Jean Boomer. Il y a une vingtaine d'années, étant malade, je fus envoyé à X. Assurément, cette réputation de grande guérisseuse, X la mérite plus que toutes les autres stations du même genre, car durant les 6 années consécutives que je vins demander la guérison à ses os, à son climat, au traitement de ses médecins, pas une seule fois je n'entendis parler de mort, pas une seule fois je n'appris qu'un malade fût mort. Oui, véritablement, la mort semblait avoir été supprimée de ce coin de la terre française. À la vérité, il arrivait quotidiennement que bien des personnes disparussent d'un coup. Et si vous informiez, elles sont parties hier, telle était la réponse invariable. Un jour, dînant avec le directeur d'établissement, le maire de la ville et le tenancier du casino, je m'émerveillais de ce persistant miracle, non, toutefois, sans émettre quelque doute sur son authenticité. Vous pouvez vous renseigner, dit-il en cœur. Voilà plus de 20 ans que nous n'avons eu ici un enterrement. À telles anciennes, cher monsieur, que nous avons fait du personnel des pompes funèbres, nos doucheurs, nos croupiers, nos chanteurs comiques, et que nous songeons maintenant à transformer notre cimetière en un superbe tir aux pigeons. Ce fut seulement la dernière année de mon traitement que je connus le secret de cette extraordinaire immortalité. Voici comment. Une nuit que je rentrais chez moi très tard, et que tout semblait dormir dans la ville immortelle et bienheureuse, je perçus, venant d'une rue transversale à celle que je suivais, des bruits insolites, bruits de voix essoufflées et chuchotantes, de pas pesants, de fardeaux sonores qui se seraient heurtés l'un contre l'autre. Je m'engageai dans la rue, qu'un seul réverbère éclairait à peine, à l'autre bout, d'une lueur trouble et tremblante, et, avant que je pusse distinguer ce qui se passait, j'entendis nettement ceci. « Mais nom d'un chien, taisez-vous donc, vous allez réveiller les étrangers. » Et si la fantaisie leur prenait de venir voir ce que nous faisons ici, eh bien, nous serions frais. Je m'approchai, et voici l'étrange, l'inattendu, le lugubre spectacle que je vis. 10 cercueils portés chacun par 4 hommes, 10 cercueils se suivant à la file et se perdant processionnellement dans l'ombre. Dans une ville où personne ne mourait, j'étais tombé sur un embarras de cercueils. Stupéfiante ironie. Alors je compris pourquoi. Depuis 20 ans, on n'avait pas vu d'enterrement à X. On déménageait les morts à la cloche de bois. Furieux d'avoir été joué de la sorte par les autorités municipales et casinotiques, j'interpellai un des croque-morts dont la trogne nuisait parmi cette nuit shakespearienne. « Hé, l'ami, qu'est-ce que c'est ?» demandai-je en lui montrant les cercueils. « Ça, fit-il, c'est des mâles, donc des mâles d'étrangers qui partent. »« Des mâles ?»« Oui, des mâles, et nous les portons à la gare, à la grande gare. » Un sergent de ville qui dirigeait la manœuvre vint à moi. « Retirez-vous, monsieur, dit-il poliment. Vous gênez ces hommes, ils sont en retard. » « C'est mal, car ce sont des balles, sont fort lourdes, et le train n'attend pas. »« Le train ? Ha, ha, ha ! Et où va-t-il, ce train ? Mais il va à l'éternité, n'est-ce pas ?»« L'éternité, dit le sergent de ville froidement. Je ne connais point ce pays-là. » Le lendemain, tu penses si je terrifiais le maire de la ville, le directeur de l'établissement, le tenancier du casino, par cette aventure. Je les menaçais de tout dévoiler. Ils m'apaisèrent, en m'offrant une somme d'argent considérable, et en me nommant avec un traité avantageux l'agent exclusif de leur publicité. Et voilà. Avec une gaieté tranquille, me tapa sur les cuisses. « Elle est bonne, hein ? » fit-il. Puis, « À propos, as-tu un médecin ? » ?»« Oui. »« Fardeau Farda ? » ?»« Non, Triceps, le docteur Triceps, mon ami. »« Ah, tant mieux. Parce que Fardeau Farda, tiens, il faut encore que je te raconte cette histoire-là. Ah, il y a des types ici. Et on n'a pas le temps de s'embêter une minute. » Et Clara Fistule entama un nouveau récit. Donc j'avais été envoyé X, le jour même de mon arrivée, je me rendis chez le docteur Fardeau Farda, à qui j'avais été spécialement recommandé. Un petit homme charmant, vif et gai, de paroles exubérantes, de gestes cocasses, et qui néanmoins donnait confiance. Il m'accueillit avec une cordialité empressée et peu banale, et après m'avoir enveloppé des pieds à la tête d'un regard rapide, « Ah ah » fit-il. « Sang pauvre, poumon atteint, neurasthénique, alcoolique, syphilitique. Parfaitement. Voyons ça. Asseyez-vous. » Et durant qu'il cherchait je ne sais quoi parmi le désordre de son bureau, il interrogea dans un petit rire sautillant et sans me donner le temps de lui répondre. « Hérésité déplorable, famille de tuberculeux, Le syphilitique? Paternelle, maternelle? Mariée? Célibataire? Les femmes alors? Les petites femmes? Ah, Paris, Paris! Ayant trouvé ce qu'il cherchait, il recommença de m'interroger longuement, avec plus de méthode, m'ausculta minutieusement, mensura ma poitrine avec des gestes de tailleur, éprouva aussi d'un momètre ma force musculaire, nota sur un petit carnet mes réponses et mes observations. Puis, brusquement, d'un air jovial, avant tout, une question. En cas de mort ici, vous feriez-vous embaumer? Je sursautai. Mais, docteur, nous n'en sommes pas là, corrigea cet aimable praticien. Diable! Mais enfin, je croyais, dis-je un peu effaré, je croyais qu'on ne mourrait jamais à X. Sans doute, sans doute. En principe, on ne meurt pas ici. Mais enfin, un hasard, une malchance, une exception. Vous admettrez bien une exception. Vous avez 99 chances sur 100 de ne pas mourir ici. C'est entendu. Donc, il est inutile de parler de cela, docteur. Pardon, fort utile au contraire. Pour le traitement, diable! Eh bien, docteur, si par extraordinaire, et pour cette fois seulement, je venais à mourir ici, non, moi, je ne me ferais pas embaumer. Ah, ponctua le docteur, vous avez tort. Parce que nous avons un embaumeur étonnant, merveilleux, génial. Occasion unique, cher monsieur. Il prend très cher, mais c'est la perfection. Quand on est embaumé par lui, c'est à se croire encore vivant. Illusion absolue. À crier. Il embaume, il embaume. Et comme je secouais toujours la tête pour exprimer un refus énergique, vous ne voulez pas. Soit ce n'est pas l'embaumement obligatoire, après tout. Sur la page du carnet où il avait consigné toutes les observations qui avaient trait à ma maladie, il inscrivait au crayon rouge et en grosses lettres pas d'embaumement. Puis il rédigea une interminable ordonnance qu'il me remit en disant « Voilà, traitement sérieux, j'irai vous voir tous les jours et même deux fois par jour. » Et me serrant chaleureusement les mains, il ajouta « Bast au fond, vous avez bien fait. À demain. » Je dois dire que peu à peu, je pris goût à ses soins ingénieux et dévoués. Son originalité, sa gaieté inaltérable, spontanée et parfois un peu macabre, m'avaient conquis. Nous devînmes d'excellents fidèles amis. 6 ans après, un soir qu'il dînait chez moi, il m'apprit que j'étais définitivement guéri, avec une joie tendre qui me toucha jusqu'au fond du cœur. Et vous savez, me dit-il, vous êtes revenu de loin, mon cher. Ah, sapristi! J'étais très, très malade, n'est-ce pas? Oui, monsieur Posselin, vous rappelez-vous quand j'insistais tellement pour que vous fassiez embaumer? Certes. Eh bien, si vous aviez accepté, mon cher ami, vous étiez un homme mort. Oh non. Pourquoi? Parce que. Il s'interrompit tout à coup, devint grave et soucieux durant quelques secondes, et sa gaieté revenue. Parce que les temps étaient durs, alors, il fallait vivre. En avons-nous embaumé de ces pauvres bougres qui seraient aujourd'hui vivants comme vous et moi? Qu'est-ce que vous voulez? La mort des uns, c'est la vie des autres. Et il alluma un cigare. Le pantalon. Hier, c'était le bout de l'an. À la Madeleine, de notre pauvre ami Jean Delombes, boutelant sinistre et sans fleurs. Le service fut dépêché dardard, la messe dite à la va te faire fiche, à la va comme je te pousse, par des prêtres inquiets et rapides. Car Jean n'a jamais eu de chance. Il y avait à la Madeleine ce jour-là un grand mariage, un mariage ultra chic, et l'on ne voulait pas offusquer par la tristesse des décors funéraires, la joie des épithalames, et jeter un éclat sombre et morne sur la sensualité des toilettes. Pauvre Jean, s'il est vrai que dans les maximes de l'autre monde, son âme eut soif des prières de la terre et des pardons du ciel, elle fut bien mal désaltérée, il faut en convenir, jusqu'aux orques qui, dans leur précipitation, en finirent de pleurer la mort, sautaient des notes, avalaient de longues phrases de miséricorde et de sanglots. Et les enfants de cœur, et les enfants de la maîtrise, et les diacres, et l'encens, et l'aspergeoire, tout semblait dire « Allons, dépêchons-nous, et rendons tout de suite ce gêneur à l'éternité. » J'étais seul, avec la famille, à assister à ce bout de l'an. De tous les anciens et chers amis de Jean, petites femmes, croupiers et palefreniers, aucun n'était venu lui apporter un dernier souvenir. Les uns dormaient encore, sans doute, la tête tourne du champagne de la nuit, les autres étaient allés à leurs petites affaires, ceux-là avaient sans doute oublié. Ah, la raison de dire que les morts vont vite à l'oubli définitif. Hélas, non seulement ils vont vite, des pauvres morts, très ils galopent. Quant à moi, l'estomac fadi par une nuit blanche, le cerveau meurtri par les coups de matraque des boissons américaines, je m'en revins, très mélancolique, de cette fête mortuaire. Et pour la première fois, est-ce curieux, je songeais, non sans remords, à cette fin comico-tragique de notre ami. Car il ne faut pas nous le dissimuler plus longtemps. Et les restrictions mentales n'y feront rien. C'est Jacques Cercleux et moi qui l'avons tué, cet infortuné Jean. Et voici comment. Mais auparavant, laissez-moi émettre quelques pensées philosophiques. Certes, ce fut une chose coupable. Il faut bien dire pourtant, à notre excuse, qu'en perdant Jean, l'humanité n'a pas perdu grand-chose, et que les neuf muses n'ont versé aucune larme sur ce cadavre. Tous les jours, il disparaît des êtres, des choses, et même des bêtes, qui ont, dans la vie, une autre signification. Et rien n'est changé pour cela, aux harmonies de l'univers. La terre tourne, les saisons se succèdent, les fleurs éclosent et se fanent. Qu'importe à la nature dévoratrice et féconde? Tout de même, ce fut raide. En remontant le boulevard Malesherbes, je me répétais. Oui, c'est raide. Mais c'est tordant aussi. Il n'y a pas à dire. C'est tordant. Faut-il rire? Faut-il pleurer? Ah, j'aurais besoin de la psychologie de Paul Bourget pour élucider ce cas de conscience. Partagé entre le remords et, permettez-moi ce mot pittoresque, la rigolade, où me mettaient tour à tour les souvenirs évoqués, je me remémorais, jusqu'au moindre détail, cette aventure vraiment extraordinaire qui commençait si bien, s'acheva si mal. Qu'on en juge d'ailleurs. Jean des Bombes, Jacques Cercleux et moi, nous étions allés, l'année dernière, chasser dans les marais de Tourenay. Ces marais, où le gibier d'eau pullule, appartiennent à la famille de Jacques Cercleux. Le garde prévenu nous avait préparé, dans sa maison, des chambres et un excellent repas. Matelote de carpe et salmis de canard sauvage. Nous étions arrivés, je me souviens, vers 7 h du soir. Après le dîner, très gai, Jean, qui n'était pas très robuste, nous fit sa compagnie et se retira dans sa chambre, sous le prétexte, d'ailleurs sage, que devant se lever dès l'aube, il avait besoin d'un long sommeil pour se donner des forces, car c'est une chasse très fatigante qui exige du jarret et de la souplesse de rein. Jacques et moi, nous restâmes à fumer, à boire de la fine champagne que nous avions apportée, et à nous raconter des histoires de femmes et de chasse. Tout à coup, Jacques me dit: Mon vieux, il faudrait faire à Jean une farce énorme. C'est cela, prouvai-je, quelque chose de colossal et d'inédit. Bravo! Ce diable de Jacques possède, en ces sortes de choses, une imagination merveilleuse. Nous nous communiquâmes divers plans et, après une discussion sérieuse, nous nous arrêtâmes à celui-ci, que Jacques résuma avec une grande précision joyeuse. Tu sais combien notre ami est préoccupé de sa santé. Il s'agit de lui faire croire qu'il va mourir. Ce sont toujours les meilleures farces. Or, voici mon plan. Vers minuit, au plus profond de son sommeil, nous nous introduirons dans sa chambre et nous prendrons son pantalon, que nous rétrécirons au point qu'il nous soit impossible d'y entrer les jambes. La femme du garde, en quelques coups d'aiguille, aura vite fait cette besogne. Puis, il continua de m'exposer son plan, auquel j'applaudis en me tordant de rire. Ce Jacques, il n'y a vraiment que lui pour avoir de telles ressources dans l'esprit. C'est épatant, criai-je. Non, mais sa tête demain matin, la vois-tu, sa tête? C'est génial! C'est que nous allons rigoler. Ah non, non, c'était pas tant. Les choses furent faites selon le programme. Et le pantalon rétréci fut reporté dans la chambre de Jean, sans que celui-ci fût réveillé. À pointe d'aube, nous pénétrâmes chez notre ami en faisant un boucan de tous les diables. Allons, lève-toi, animal, paresseux, cria Jacques. Il ouvrit les fenêtres et, allumant une bougie, il alla vers le lit où Jean venait de se réveiller. Puis, tout à coup, simulant un étonnement profond. Qu'est-ce que tu as? Demanda-t-il. Moi? Rien. Mais tu as la tête toute enflée. Moi? Mais non. Et toute noire. Tu es malade. Tu as le charbon. Une piqûre de mouche. Moi? Ce n'est pas possible. Je ne sens rien. Effaré, Jean se leva, se tâta, se regarda dans une petite glace qui se trouvait au-dessus de la cheminée. Mais je n'ai rien. Je ne vois rien. J'ai la figure comme toujours. En disant cela, il tremblait de tous ses membres, claquait des dents et nous examinait d'un œil que l'épouvante agrandissait. Et c'était d'un comique véritablement shakespearien. Alors, d'une voix triste et brève et émue, j'appuyai. « Tu es enflé et tout noir. Mais si tu n'as rien, si tu crois ne rien voir, habille-toi bien vite, mon vieux, et partons. » Je lui tendis son pantalon de gestes merveilleusement naturels. « Allons, dépêchons-nous. C'est nous qui avons la berlue. » J'en pris le pantalon, essaya, mais en vain de le mettre. En dépit de tous ses efforts, violents et rageurs, les jambes ne pouvaient entrer. Il était subitement devenu très pâle, si pâle que je crus voir la face blafarde de Pierrot. « Mais oui, bégaya-t-il, vous avez raison, je suis enflé, j'ai le charbon. Mon Dieu, je vais mourir. » Pris de peur, la poitrine haletante, les cheveux horrifiés, il tourna dans la chambre, se heurta au mur, appela « Un médecin, je suis enflé, je vais mourir. » Ce qu'il était drôle, ce que sa tête, ses bras, ses jambes nues, ses yeux de fou et tous ses mouvements de pantomime burlesque et tragique étaient drôles. Nous avions peine à retenir nos rires, nous nous tenions les côtes, nous nous tordions littéralement. C'était épatant. « Un médecin, un prêtre, je ne veux pas mourir ainsi. » Un prêtre ? Ah non, c'était le comble. Tout à coup, le pauvre garçon eut un hoquet, cria d'une voix étranglée, comme un râle, « au secours !» Puis, tendant les bras en avant, il s'abattit sur le plancher en rejetant par la bouche des flots de mousse pourprée. « Allons, dis Jacques, un peu gêné, en voilà assez, relève-toi, tu vois bien que c'est de la blague, avoue qu'elle est drôle, sacré genre hein !» Mais Jean ne se releva pas. Il était mort, foudroyé par la rupture d'un anévrisme, je pense. « Sapristi !» murmura Jacques, qui se grattait la nuque. « La farce était bonne, mais nous en étions un peu loin tout de même. »« Tout de même !» répétai-je en hochant la tête, tandis que le matin, hors vert et mousseline de rose, entrait par les fenêtres ouvertes, frais, jeune et vainqueur, comme un jeune dieu. La peur de l'âne. L'autre jour, un homme conduisant un âne par la bride descendait les Champs-Élysées à l'heure élégante. L'âne était tout petit, très svelte, joli. Il avait des jambes fines et nerveuses comme celles des chevreuils, des yeux expressifs, spirituels, enjoués et d'une telle douceur que je voudrais en voir de pareil au visage des humains. Sa robe lavée, peignée, lustrée, était gris rose et une raie de noir de velours brillant lui courait comme un ruban sur le dos. Je l'ai rencontré, l'âne et l'homme, juste en face de la grande trouée que forment les nouveaux palais. À cet endroit, l'avenue est toujours fort encombrée par les voitures et la circulation des piétons très difficile. Surtout à cause des braves sergents de ville à qui est dévolu ce privilège de rendre possible toute espèce de circulation dans Paris. Ce jour-là, l'encombrement était extrême et de plus, le pavé de bois glissant. Le petit âne marchait péniblement en rechignant au milieu des voitures et des promeneurs, obligé qu'il était de se garer à tout instant des unes et des autres. Et il glissait sur ses sabots mal serrés. En dépit de son agilité, il manquait de tomber à chaque pas. « Allons, fais donc attention !» dit l'homme, qui lui parlait comme à une personne, mais très doucement, presque en camarade. « Tu ne tiens pas debout. On va se moquer de toi, bien sûr. Tu as l'air d'un petit âne pochard. » L'âne secoua ses oreilles, qu'il avait très longues, pour exprimer un mécontentement et une protestation. Et il regarda son maître avec un regard qui semblait dire « Pourquoi aussi me conduis-tu dans cette avenue fourmillante et bruyante que tu sais dangereuse aux petits ânes ? Et pourquoi mes fers ne tiennent-ils pas le pavé ? C'est de ta faute. Tu aurais mieux fait de prendre par le détour des rues. D'ailleurs, j'ignore où tu me conduis et j'aime savoir ce que je fais. Allons, ne bavarde pas et viens, pour un petit âne souple et léger comme tu es, descendre les Champs-Élysées, ce n'est pas une affaire. « Et puis, cette aventure est très chic. J'ai voulu que tu vois le beau monde. » Le petit âne examina toute cette foule brillante et parée qui passait dans tous les sens auprès de lui. Il secoua d'un mouvement plus impatient ses longues oreilles et il sembla dire à l'homme « Je ne trouve pas beau, moi, ce monde-là. J'aime mieux les gens de mon village. Et surtout, j'aime mieux les beaux talus des routes et les belles prairies où je broute les herbes fraîches. Et puis, je t'assure que ce pavé glisse. Allons, ne fais pas l'entêté et viens. Mais l'âne s'était subitement arrêté, les oreilles tombantes, la queue agitée. « Viens donc !» Comme l'âne ne venait pas, l'homme le tira par la bride d'une secousse légère. « Sacré petit bougre !» lui jura-t-il. « Voilà encore que tu vas faire tes farces !» Et il imprima à la bride une secousse plus forte. L'âne écarta un peu les jambes, de façon à bien se caler sur le pavé, allongea le col et la tête oblique, les oreilles tout à fait baissées, le regard malicieux, et resta immobile. Et il semblait, oui, ma foi, il semblait dire, « Tu peux tirer la bride, et encore tirer la bride. Je ne veux plus rien savoir, et je ne consentirai à marcher que lorsqu'il n'y aura plus personne dans la vue et que le pavé ne sera plus glissant. » Quelques promeneurs s'étaient arrêtés. Malgré les voitures, une foule bientôt se forma autour de l'homme et de l'âne. L'homme était humilié, l'âne était ironique, et la foule s'amusait de l'âne et de l'homme. « Ah, nom d'un chien !» cria l'homme, « je te dis que tu vas marcher !» Et il allait peut-être le battre quand l'âne, brusquement, fléchit le genou et se laissa tomber comme un petit âne mort sur le pavé. La foule applaudit. Quelques voix crièrent. « Bravo l'âne ! Bravo le petit âne !» L'homme comprit qu'il ne tirerait rien de son petit âne par la violence. Il se mit à lui dire des paroles gentilles, le caressa sur l'échine, sur le col, lui souleva la tête. « Allons, petit âne, relève-toi, ne sois pas méchant. C'est très vilain ce que tu fais là. Et tu me mets dans une situation déplorable. Tu vois, à cause de ton entêtement, tout le monde se moque de moi à présent. Tu me rends ridicule, moi qui ne t'ai jamais battu. Relève-toi tout seul, comme un petit homme, voyons. Je t'en prie. » L'âne était étendu de tout son long, le col allongé, les jambes droites, confortablement, comme sur une bonne litière. À chaque objurgation de son maître, il faisait de menus mouvements de tête et des regards malins passaient entre ses paupières mi-fermées. Et tout cela voulait dire clairement ceci. « Non, je ne me relèverai pas. Je suis bien mieux ainsi et c'est toi qui l'as voulu après tout. Pourquoi me releverais-je puisque je ne peux pas marcher sur ce maudit pavé, pire que du verglas ?»« Dieu, que tous ces gens sont laids et ridicules qui me regardent. Mais je suis heureux de les voir tels, car ils renforcent mon mépris pour les hommes et pour leur curiosité stupide. J'attendrai donc, ici, avec tranquillité, que tu sois raisonnable et que les choses aient changé. » La foule devenait de plus en plus amusée. Elle prenait parti pour le petit âne contre l'homme, car c'était exceptionnellement une bonne foule qu'animait l'esprit de justice. Et cela enrageait un peu l'homme, et cela le blessait dans son lourd amour propre d'homme, vaincu par l'esprit d'une petite bête. Il se pencha sur l'âne, essaya de le prendre à bras le corps, de le soulever, de le remettre sur ses jambes. Mais l'âne opposait une inertie incoercible à tous les efforts de l'homme. L'âne était dans les maladroites étreintes de l'homme, aussi molle et fuyant, aussi inconsistant qu'un chiffon ou qu'une poignée d'étoupe. Dès qu'il se sentait un peu soulevé de terre, alors tous les muscles détendus, toutes les articulations désunies, tous les membres ballants, il se laissait retomber comme une masse, comme un paquet de matière inerte, aux applaudissements de la bonne foule, qui clamait « Bravo l'âne, bravo le petit âne !» Haletant, suant, rouge de fatigue et de honte, 20 fois l'homme s'acharna, et 20 fois l'âne s'échappa des bras de l'homme. Dès que l'homme, après un violent effort, était parvenu à lui faire toucher terre du bout de ses sabots, les sabots aussitôt se dérobaient, et les genoux fléchissaient. L'âne se recouchait sur le pavé, avec une lueur ironique dans les yeux. La foule, de plus en plus intéressée, s'enthousiasma. « Bravo l'âne ! Bravo le petit âne !» Mais l'homme, criblé de l'Asie et de Colibé, ne s'avoua pas vaincu. « Écoute, fit-il au petit âne, écoute bien ce que je vais te dire. Si dans une minute tu ne t'es pas relevé tout seul, car je n'en puis plus et mes bras sont rompus, et si tu ne reprends pas gentiment ta promenade, « eh bien, je vais te conduire aussitôt et te vendre au manège des ânes vivants de la butte Suffrenne. » L'âne dressa les oreilles et souleva la tête. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Je dis, reprit l'homme, que si tu ne m'obéis pas, dès ce soir, tu tourneras comme un tauton sur la plateforme du manège de Monsieur Hélène. » Alors d'un coup de rein, l'âne, avec une agilité surprenante, se mit debout sur ses 4 petites jambes fines et nerveuses, et d'un pied sûr, il reprit sa marche à travers les voitures. « C'était pour rire, » dit-il à l'homme. Et bientôt, tous les deux, l'âne et l'homme, disparurent parmi la foule.

doublet de ouate et de soie bleue, une grosse chatte blanche ronronnée. En effet, pourquoi est-elle morte? Elle semblait si forte, si robuste. Comme aucune femme du pays ne s'est offerte à veiller le corps, le maire a délégué le garde champêtre pour garder au moins la maison. Il est là, devant la porte, assis sur un banc, les coudes aux genoux, une pipe très courte entre les dents. C'est un bonhomme dont la peau est plissée, brunie et dont les yeux suintent. Je lui demande si l'on peut voir la morte et par où pénétrer dans la chambre. Elle vivait avec des chats. Seulement les gamins s'amusaient à lui tuer. Elle ne pouvait pas avoir un chat plus de 6 mois. Et elle enrageait. Et puis, elle pleurait. Avant-hier, on lui a encore tué une grosse chatte blanche. Tenez, du doigt, elle me montre sur la pelouse un tas de terre fraîchement remuée. Elle est là, sa chatte. Seulement, elle n'a pas eu le temps de mettre une croix dessus, l'hérétique. Je regarde les tertres, les croix de bois. Ce petit cimetière de bêtes aimées qui contient toute la vie, tout l'amour de celle qui fut cruellement repoussée des hommes, et une immense émotion s'empare de moi. Je demande encore au bonhomme, Claudie Dorteux n'allait-elle pas à la messe? Celui-ci sursaute, comme s'il avait été piqué par une vipère. À la messe, elle? Ah, bon Dieu! Mais le bon Dieu lui-même l'aurait chassé à coups de fourche de son église. À ce moment, sur la route, j'entendais crier, le petit journal! Demandez le petit journal! Le vieux se lève du banc, traverse la maison, et revient une seconde après, avec la feuille qu'il se met à lire, décidé à ne plus répondre à mes questions. Et je m'éloigne, mélancolique. Paysage d'automne. Toute la journée, une journée grise et bruissante, la forêt a retenti de la voix des chiens, du galop des chevaux et du son du cor. On chasse. Ah, voici donc enfin revenu le temps des chasses, des belles chasses qui ramènent les gens riches dans le pays. De même qu'une fête votive où les péripéties des manœuvres militaires, cela mit en rumeur ce coin de forêt, ordinairement si calme et si plein de silence. La forêt est envahie. Elle crie, elle appelle, elle hurle. J'ai vu passer, emporté dans un galop, des messieurs très élégants et de belles et souples brutes humaines vêtues de rouge, comme les bourreaux anglais. Et j'ai vu passer aussi des femmes à cheval, bien cambrées sur la selle, les autres mollement étendues sur les coussins de leur voiture, des femmes jolies, des petites femmes blondes et roses, aux prunelles douces et qui, le soir, langoureuses, pâmées, chuchotent derrière l'éventail des mots d'amour et parlent de leur âme. Ah oui, de leur âme blessée, de leur âme meurtrie, de leur pauvre âme assoiffée d'idéal, les chers cœurs. Et j'ai vu passer encore, en dimanche et fébrile, des familles entières de petits bourgeois et des paysans et des ouvriers qui sont venus en foule de la ville, des villages voisins, attirés par la promesse d'un double spectacle, contempler de près des personnes riches dans le brillant exercice de leur richesse, et peut-être assister à la mort sanglante, au dépècement de quelque chose de vivant, par des chiens. Quelques-uns se sont arrêtés devant l'auberge que j'habite. C'est un bon endroit, et la lalie sonne souvent. Ces braves gens, mêlés, oisifs et prolétaires, sont impatients, anxieux. Les petits trépillent, les grands des figures graves. Joie de cardassier, admiration servile devant le luxe et ses manifestations meurtrières. Je ne surprends rien d'autre que ses visages. Une jeune fille dit, pourvu qu'on le prenne au milieu de la scène, c'est bien plus beau. Oui, le soir, avec des torches, accentue la mère. Un gamin aux joues boutonneuses, aux jambes torses, dit ensuite « Moi, je voudrais qu'on fît la curée dans la forêt. L'année dernière, nous ne l'avons pas vue. » Le père, un excellent homme, s'inquiète de savoir où aura lieu la lalie. Il ne veut pas se priver et priver sa progéniture de ce qui est le plus beau dans une chasse, la bête forcée. Les chiens fouillant les entrailles chaudes de la bête, les valets fouillant les chiens, la mort, le sang, les lambeaux de viande rouge. « Avec des torches, répète la mère. Oui, oui, avec des torches. » Et tous les quatre, l'oreille aux aguets, la bouche sèche, les yeux luisants, ils suivent les appels, les clameurs, les hurlements de la chasse. Tantôt, elle se rapproche. « Ah, la voilà, elle vient par ici. » Tantôt, elle s'éloigne. « Oh, zut !» Et toutes les mines s'allongent, déçues et hideuses. Un ouvrier tout blanc de poussière de plate dit avec désespoir. « Et il est bien capable d'aller se faire prendre là-bas, aux étangs, cette saleté-là. » Cette saleté-là, c'est le cerf, derrière lequel hurlent 60 gueules de chien. On se rassure entre soi. Mais non, mais non. Mais non, le cerf ne leur fera pas cette sale blague de mourir aux étangs. Il mourra là, devant eux, en pleine Seine. Avec des torches, s'obstine la grosse dame. Certainement, car c'est un bon cerf, soucieux des plaisirs du peuple, que diable. Et devant moi, de l'autre côté du fleuve qui la reflète, la forêt tâche somptueusement, déroule comme une magnifique tapisserie, ses houles d'or et ses boutonnements pourprés. La chasse est loin maintenant. Ce n'est plus sous cette riche parure qu'un petit cri là-bas, que de petites clameurs indistinctes, étouffées, des souffles qui vont s'éteignant très loin, sous les futaies. Je me souviens que la veille, je me suis promené dans la forêt et que j'ai aperçu dans une allée une bande de cerfs et de biches qui broutaient l'herbe tranquillement, sans se douter de ce qui les menaçait. C'était le soir avant le coucher du soleil. Un soir immobile, où pas une feuille ne bougeait. Toute la forêt semblait de feu, de souffle et de sang aussi. Les troncs des arbres s'élevaient, colonnades énormes et toutes noires sur les pentes rouges, et les feuilles tombées rendaient sourd, comme un épais tapis, le bruit de mes pas. Et couché derrière le fût d'un être, longtemps j'avais admiré la beauté libre de ces animaux, leur souplesse nerveuse, leur élégance fine. Et je me sens triste davantage à la pensée que c'est peut-être une de ces belles créatures pacifiques que j'ai vues et que j'ai aimées qui fuit en ce moment affolée devant des chiens, devant les corps, devant les brutes en habits rouges, devant les douces femmes blondes. Les promeneurs arrivent sans cesse, emplissent la route. Où est la chasse? Où est la chasse? Nous avons perdu la chasse. Le boucher qui a fini sa tournée dans les bourgs voisins arrête sa voiture et se mêle à la foule. On voit aller venir son tablier blanc taché de sang, et ses bras nus s'agitent parmi la foule. Car c'est une foule maintenant, une foule qui s'impatiente davantage, qui s'exaspère, des propos s'échangent, plus nerveux, des probabilités se colportent. On discute, on dit du cerf que c'est un cochon, et que c'est mal à lui d'être parti si loin. On proclame que telle place est meilleure que telle autre. Le boucher énonce. L'endroit est bon, je vous dis que l'endroit est bon. Savoir, savoir, sur 10 cerfs, il y en a 8 qui viennent se faire prendre ici. Et voilà que tout d'un coup, et peu à peu, la voix de la forêt se réveille et gronde. Les voix des chiens se rapprochent, à chaque seconde, plus rauque, plus terrible. Le corps fait rage, on entend ici et là des appels, de grandes clameurs, et des galops et des roulements. Elle revient, elle revient. Le boucher triomphe. Puisque je vous dis qu'il n'y a près de meilleur endroit. Tenez. En montrant le fleuve à droite, il crie. Tenez, le voilà. En effet, j'ai entendu comme la chute d'une grosse pierre dans le fleuve, et parmi des bouillonnements, des remous blanchâtres qui vont s'élargissant en ronds immenses, surgit, presque toute noire et toute petite, la tête du cerf hors de l'eau. Le voilà, le voilà. Alors c'est le délire, la bousculade, des cris, des vociférations, des voix furieuses d'hommes encourageant les voix hurlantes des chiens, et des cavaliers, des bouches de tous côtés, les sabots des chevaux sonnent sur la route en pierrée. D'autres chevaux se cabrent parmi les voitures. On agite des mouchoirs, des chapeaux, des gestes violents, des gestes crispés. On dirait un massacre, un pillage. Le sac d'une ville conquise entend tous ces bruits, toutes ces voix, tous ces gestes ont un caractère de sauvagerie, d'exaltation homicide. Et je ne vois plus bien ce qui se passe. De temps en temps, sur la surface blanche, je vois encore le cerf qui nage moins vite et qui s'engourdit dans le froid de l'eau, et je vois un piqueur qui a détaché une barque de la rive, et qui, conduit par un rameur en habit rouge, s'avance sur le cerf, la dague au poing. Les cris redoublent, des cris de victoire forcenée, et tout près de moi, une femme du peuple, une paysanne, regardant le piqueur, regardant les cavaliers, regardant les 12 femmes, et la foule crie en leur montrant le poing d'une voix de sublime haine. Ah, les salauds! Paysage de foule. C'était la veille de Noël. Contrairement aux poèmes des poètes et aux images des chromolithographes qui veulent que ce jour-là le ciel soit couleur de plomb, les maisons et les jardins couverts de neige, les pauvres gens grelottant de froid, il faisait un soleil chaud et gai. un bon soleil qui dorait les maisons et les visages et qui caressait le dos des petits vieux assis sur les bancs de la promenade en face de la mer. Les rues de la ville de C étaient pleines de lumière et les promeneurs y circulaient lentement, paresseusement, par groupes familiaux, parés de leurs beaux et ridicules habits de dimanche. Les ateliers chômaient, les boutiques resplendissaient, l'air charriait partout des odeurs d'orange et de bois verni. Fleurs plus riches, bijoux plus faux, friandises plus rares, les vitrines, somptueusement décorées, offraient avec plus de pompe, plus d'éclat, plus de malice que d'habitude, leurs tentations différentes et répétées. Ce n'était pas de la joie, car la joie n'est jamais parmi les foules, surtout parmi les foules en fête. C'était quelque chose de grave et de recueilli, de presque austère, dont on surprenait l'expression silencieuse dans les regards en arrêt devant des guirlandes de dentelles, les soies drapées, les écrins étincelants, les architectures de fruits confits et les petits cochons de lait gras, rosés, lisses, chanoinesques, mollement couchés, une rose au groin, sur un lit de feuillage et de gelée multicolore, précieusement ornemental. Et chacun, bras dessus, bras dessous, poursuivait d'un profond rêve intérieur, selon la dominante sa sensualité. Très élégante, très jolie, une femme descendit de sa voiture devant la boutique de confiseur. C'était une dame étrangère à la ville, mais fort connue d'elle, car elle venait tous les ans demander au climat de C et à son existence tranquille une santé que Paris, avec ses hivers tourmentés et boueux, lui refusait. Riche et généreuse propriétaire, sans ostentation, d'une villa dont les jardins étaient célèbres et où les pauvres savaient, aux heures de détresse, trouver un bon accueil, on l'aimait, ou plutôt on la respectait, à cause de son luxe et des dépenses qu'elle faisait dans le pays. Mais elle intriguait les gens par ses habitudes qui n'étaient pas celles de tout le monde. Elle apportait dans cette petite ville extrêmement bourgeoise un parfum exquis de liberté, un individualisme original et charmant, un souci de vivre pour elle et non pour les autres, bien fait pour troubler les habitants encroûtés dans la crasse des préjugés anciens et des traditions périmées. Et puis, n'était-elle pas mariée à un juif ? Elle entra dans la boutique déjà pleine de monde, cette boutique fort renommée, où le marchand accumulait les imaginations les plus bizarres, celles en sucre, anecdotes sentimentales en bonbons, terribles histoires militaires en fruits confits, était le point de mire de toutes les curiosités en balade. On venait là comme à une représentation de théâtre, comme à un panorama. Des foules constamment y stationnaient devant cet étalage, s'y succédaient tout le jour, encombrant cette partie du trottoir, et malgré les efforts d'un homme de police pour le dégager, rendant la circulation difficile. Tout à coup, profitant de l'inattention générale et ayant aperçu sur les coussins de la voiture, probablement oublié par la dame, un joli petit sac de velours à monture d'or, un être lamentable, une sorte de mendiant décharné, la peau toute jeune, couverte de guenilles, fit le geste de s'en emparer. Mais le cocher, s'étant retourné à ce moment précis, poussa un grand cri. « Au voleur ! Au voleur !» La foule, en extase devant la vitrine, s'était aussitôt retournée à ce cri. Subitement, toutes les faces s'étaient crispées, une lueur d'hébétude farouche et presque d'épouvante dans les yeux. « Quoi ? Quoi ?» hurla la foule. Le cocher, terrible, la bouche mauvaise, répéta « Au voleur ! Au voleur !» Quelqu'un demanda en montrant le poing « Mais quel voleur ? Où est le voleur ?» fit un autre, dont les yeux arrondis exprimaient la haine et la peur. Tous se mirent en état de défense et tous, d'une même voix unie et fraternelle, crièrent « Où est le voleur ?»« Là, là, c'est lui !» indiqua le cocher. Et du bout de son fouet, il toucha la face décharnée du mendiant. Aussitôt, celui-ci fut entouré, cerné. 40 poings se levèrent sur lui. 20 bouches lui jetèrent comme un vomissement l'injure au visage. Il a volé ! Il a volé ! Quoi ? Quoi ? Il a volé quoi ? Le commissaire de police ! Le commissaire de police ! Justement, le commissaire de police se promenait dans la rue avec sa famille. Voyant un rassemblement, des poings tendus, des faces crispées, il s'était élancé. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a volé ! Il a volé ! Il a volé ! Qui a volé ? « Le voleur, parbleu ! Où est-il ? Le voilà ! Le voilà ! Il a volé quoi ?» La foule ne savait pas. Le cocher très digne s'expliqua. Il a volé le sac de madame. Et du bout de son fouet encore, Il montra le petit sac qui, navré de tant de bruit, se dissimulait dans un coin de la voiture, honteusement. « Ah ah !» fit le magistrat très grave. « C'est abominable. Qu'on l'empoigne. Qu'on empoigne le voleur. À la prison. À la prison. Oui, oui, à la prison. » La foule battit des mains, transportée de joie vengeresse. À ce moment, la dame élégante sortait de la boutique. Elle s'arrêta sur le seuil, étonnée, inquiète de cette agitation. Elle en demanda la raison. On l'acclama. Quelques chapeaux, en signe de triomphe, dansèrent au bout des cannes levées. « On l'a pris ! On l'a pris !»« On a pris qui ?» interrogea la dame. « Le voleur ! Le voleur !»« Quel voleur ?»« Le voleur, parbleu, le voleur !» Mais le commissaire s'avançait, solennel, le chapeau à la main. « Oui, madame, » dit-il, en s'inclinant très bas, « on l'a pris. »« Heureusement, pour le bon nom de la ville. » La dame, de plus en plus étonnée, répéta, « On a pris qui ?»« Le voleur. » »« Quel voleur ?» Le voleur qui a volé votre sac. Son affaire est certaine. Oui, oui, scanda la foule. C'est un mendiant, un homologue. Oui, oui, il sera salé, je vous en réponds. Bravo, bravo. Et la dame vit alors le petit sac dans sa voiture. Et le mendiant à la face décharnée, sur l'épaule de qui s'accrochait une main brutale d'un agent de police. À la prison, commanda le commissaire. Oui, oui, à la prison. Tapez dessus. Arrachez-lui les cheveux. La peau. « Cassez-lui la gueule !» La dame avait tout compris. Elle dit « Pardon, monsieur le commissaire, ce n'est pas grave, cela n'est rien, puisque j'ai mon sac. Je n'exige pas que vous emmeniez ce pauvre homme en prison. » La foule commença à murmurer. « Des « oh, oh !»« Des « ah, ah !» suffirent d'entendre, ça et là. « Impossible autrement, madame, » expliqua le commissaire. « Il faut un exemple, pour le bon renom de la ville. » Il ne s'agit pas du bon revenant de la ville, monsieur. Je ne suis pas lésé, je ne porte aucune plainte. Je vous demande de relâcher cet homme. Le commissaire s'obstina. La loi, madame, la ville, le respect, mon devoir, comme magistrat, comme habitant. Relâchez cet homme. Les grondements s'accentuèrent parmi la foule. Des regards étonnés d'abord, puis des regards furieux, puis des regards pleins de haine se dirigèrent vers elle. Elle ne les dit pas. Quelques paroles malsonnantes, injurieuses, éclatèrent. Elle ne les entendit pas. Impatientée, elle ordonna d'une voix impérieuse. « Je veux que vous relâchiez cet homme. Je le veux. Est-ce clair, cette fois ?» Ce fut une explosion dans la foule. La colère, l'indignation qui s'était portée sur le mendiant se reportèrent sur la dame. Des outrages orduriers se précisèrent. Des menaces ignobles se dessinèrent. Durant quelques secondes, elle eut à subir quelque chose de hideux, comme le viol de toute sa personne, par cette foule frénétique. Un gamin, la bouche tendue d'insultes, se précipita à l'abri des chevaux. « Gueuse ! Gourandine ! Enlevez-la ! Mort-Juif ! Vous êtes des sauvages !» s'écria la dame. Puis elle resta impassible, sous les huées, attendant que le mendiant fût délivré. Celui-ci avait la face en sang, tout un côté de la barbe arrachée, la tête nue, son chapeau, son misérable chapeau, ayant roulé dans la rue. Il s'éloigna, tout tremblant sur ses jambes. Alors seulement la dame, toute frémissante, remonta dans sa voiture, poursuivie par les huées de cette foule aux griffes et aux crocs de qui les petits doigts d'une femme venaient d'arracher un peu de chair humaine. Un homme sensible, grand homme. Je ne crois pas avoir jamais été méchant. Non, en vérité, je ne le crois pas. Tout enfant, j'étais même doué d'une sensibilité excessivement, exagérément douloureuse, qui me portait à plaindre jusqu'à en être malade, les souffrances des autres. Pourvu cela va de soi, car je suis un artiste, qu'elle ne se complicasse pas de laideur anormale ou de monstruosité physiologique. Ah, ce n'est pas moi, vous pouvez m'en croire, qui admettrait jamais l'esthétique de M. Rodin. Et je puis me vanter que j'en ai jeté des pommes cuites à son Balzac. Je me rappelle avoir pleuré durant plus de 15 jours la mort d'un oiseau que j'avais capturé et à qui j'avais collé sur le crâne une menue crête joliment dentelée de laine rouge. Cette mort m'inspira mes premiers vers. Et ce qu'ils ont mouillé de beaux yeux de femme, je me vois encore au cimetière de notre village, fondant en larmes et criant comme un jeune putois blessé, une fois que j'accompagnais mes parents à l'enterrement d'une personne que je ne connaissais pas et qui ne m'était de rien. Et je vois aussi mon père, qui ne comprenait rien à ses larmes, me dire, en me secouant le bras, « Es-tu bête? Pourquoi pleures-tu ? » ?»« Je ne sais pas. »« Mais tu l'as jamais vu, le père Rumeau ?»« Non. »« Eh bien alors, c'est stupide de pleurer comme ça. Moi, c'est différent. Je pourrais pleurer. Ça aurait un sens que je pleure. Non parce que le père Rumeau était un brave homme, que j'aimais beaucoup, mais parce que c'était un fermier, comme je n'en retrouverai jamais un. » Je perds beaucoup en perdant le père Hugo. Cela me coûtera gros, cela est sûr. Et pourtant, je ne pleure pas, moi. Alors, voyons, secoue-toi, mon petit bonhomme. Ris un peu, ris donc, sacré matin. Mes sanglots redoublant, il fallut m'emporter du cimetière. En rentrant à la maison, mon père disait à ma mère, page 228, diable d'enfant. Ah non, bien du mal à en faire un homme. Et il est trop nerveux, il est trop sensible. C'est une chiffre. J'avais un petit chien, un loulou blanc, Pomponnet. Oui, je l'appelais Pomponnet, oublié par des saltimbanques de passage dans le pays. Je l'avais recueilli et aimé. C'était un compagnon délicieux, docile, toujours prêt à jouer, et qui se tenait debout sur son derrière comme un petit homme. Je m'amusais énormément avec lui. Mon temps, je le passais à le tirer de toutes les forces par la queue, qu'il avait épaisse, fournie, soyeuse, si bien qu'en très peu de semaines, cette jolie queue était devenue aussi rase et glabre qu'une queue de rat. Ah, le pauvre Pomponnet. En y repensant après tant d'années, j'en ai le cœur tout retourné. Qu'il était caressant, fidèle, joli et si drôle, ses regards avaient véritablement quelque chose d'humain. Il creva d'avoir avalé un os pointu qui lui perfora l'intestin, et son agonie fut atroce. J'ai eu un tel désespoir de cette mort qu'on crut chez moi que j'allais devenir fou. « Pour un chien !» disait mon père. « Pour un sale chien !» accentuait ma mère. « Ah, bien !» reprochait la bonne. « Quand ce sera le tour de votre père et de votre mère, qu'est-ce que vous ferez alors, monsieur Georges ?» Je pourrais donner mille autres exemples, encore plus touchants et gracieux, de mon exquise sensibilité. Ils prouveraient tous que je suis une bonne nature, contrairement à ce que beaucoup de gens, qui me connaissent mal, pensent de moi. Par exemple, si sensible que je fusse, je ne pouvais rencontrer des pieds beaux, des culs de jatte, des bossus surtout, sans éclater de rire, des faces couvertes de lupus, sans être horriblement dégoûté, brave petit cœur que j'étais, jusqu'à la haine. Mon rire alors était si agressif et si virulent, si passionné ma haine, que pour un peu, je leur eusse, ma foi, jeté des pierres avec plaisir. Souvent, je fis mieux. Car si j'étais sensible, je n'étais pas moins ingénieux. Toutes les semaines, le samedi, venait mendier chez nous un vieux mendiant, presque aveugle, la face mangée d'ulcères. On lui donnait un morceau de pain qu'il dévorait, assis sur une borne, à quelques pas de la grille de notre habitation. Quelquefois, j'allais disposer sur la borne, dissimulé parmi de l'herbe ou des feuilles mortes, des clous, la pointe en l'air, de petits fragments de verre coupant. Et quand le vieux mendiant était reparti, j'allais regarder la borne. Il y avait presque toujours un peu de sang, rouge et très frais, et cela me faisait plaisir. Nous avions pour voisin un cordonnier. Le cordonnier avait un fils, un pauvre petit diable de fils, si absolument, si étrangement bossu, que lorsqu'il marchait devant vous, on ne lui voyait pas la tête. À dire vrai, ce n'était pas un être humain. C'était une bosse, une seule bosse, cahotant sur des jambes courtes et arquées. Cette bosse m'indignait. Chaque fois qu'il m'arrivait de le rencontrer dans la ruelle qui séparait les deux maisons, ou bien dans la campagne, j'aimais, comme j'étais le plus fort, à lui donner des coups de pied, des coups de poing ou des crocs en jambes qui le faisaient rouler comme une grosse pierre dans la ruelle. Mes parents, qui étaient d'excellents rentiers, honnêtes et braves gens, selon la loi et selon Dieu, me disaient quelquefois, sentencieusement, « Georges, ce n'est pas bien. Georges, c'est très mal. » Il ne faut pas rire des infirmités humaines. Il ne faut pas battre les malheureux, même bossus. Il faut avoir pitié d'eux, le plus qu'on peut. Nous ne prétendons pas qu'on doive aller dans la pitié jusqu'à se dépouiller, ni même jusqu'à donner quoi que ce soit. Non, mais il ne faut pas non plus aller jusqu'à les battre. C'est excessif. Mais il disait cela d'un ton si mou, et ils riaient tellement, eux aussi, à la vue d'un infirme ridicule, que, loin de me corriger, ces exhortations familiales m'encourageaient, au contraire, à distinguer parmi les douleurs de l'humanité les douleurs nobles pour les plaindre et pour en souffrir, les douleurs grotesques ou ignobles pour les détester et pour m'en moquer. Que voulez-vous ? Si soigné que fût mon éducation, on ne m'avait pas appris qu'il n'y a en réalité sur la terre qu'une douleur et qu'elle s'appelle la douleur. Ces sentiments persistèrent et même, j'ai honte de l'avouer, s'accrurent avec l'âge et avec mes lectures. Car je m'instruisais avec la passion de toutes sortes de choses. Souvent, aux heures de réflexion, je me les reprochais violemment, ces sentiments. Je m'injuriais de les avoir. J'essayais tout pour les vaincre, par la volonté et par la raison. Mais ils étaient plus puissants que ma raison et ma volonté. Alors, pour établir n'importe comment l'équilibre en mon esprit, je voulus, à tout prix, mettre mes sentiments d'accord avec ma raison. Et j'argumentai ainsi. C'est juste après tout. Et ces sentiments qu'il m'est arrivé de blâmer ne sont pas aussi bas, aussi vils que je le pense. Ils sont même admirables, en ceci qu'ils s'accordent étroitement avec toutes les données de la science moderne. C'est la nature qui, par moi, proteste contre la faiblesse et par conséquent contre l'inutilité criminelle des êtres impuissants à se développer sous le soleil. La nature n'a souci que de force, de santé, de beauté. Pour l'œuvre de vie indestructible, elle veut une vigueur sans cesse accrue, des formes de plus en plus harmonieuses. Sans quoi c'est la mort. Or, il m'est impossible de concevoir la mort de la matière. C'est pourquoi la nature tue impitoyablement tous les organismes inaptes à une vie harmonieuse et forte. Moi, je ne peux pas tuer. Du moins, il semble que je ne pourrais pas tuer, à cause de ma sensibilité si exquise, qui fait que je m'évanouis à la vue du sang, qui n'est pas du sang de vagabond ou de mendiant. Mais si je ne peux pas tuer, je peux haïr. Je dois haïr. Haïr d'une haine si impérieuse les petits, les souffrants, les malvenus, les difformes, les éclopés, qui ne puissent plus transmettre à d'autres, par la seule force isolatrice de ma haine, le germe de leur tare, le principe de leur laideur, qui ne puissent plus engendrer de parodies d'êtres à peine vivants, de déchets d'humanité. Et non seulement la nature me pousse à agir ainsi, mais la société me l'ordonne. Je ne suis que l'instrument de ces deux puissances contraires et unies par un lien en quelque sorte sacré, la haine mondiale du pauvre. Et vous allez voir comment il m'arriva de mettre en pratique ces théories que la philosophie peut condamner, mais que la science absout à raison du bonheur de l'espèce. Deuxième partie. Voici comme j'appliquais les théories scientifiques dont je vous ai succinctement parlé. J'avais alors 20 ans et j'étais un jeune homme harmonieux et vigoureux. Je portais avec fierté ce que Catulle Mendès appelle la honte d'être beau. Conséquence de mon éducation, ou paresse naturelle, je ne savais que faire dans la vie et je ne faisais rien au sens que l'on donne à cette chose. Ne rien faire. Toutes les professions libérales ou autres qu'il m'eût été permis et facile d'embrasser, comme on dit, me dégoûtait profondément. Je me contentais d'embrasser les belles filles du pays, lesquelles, je dois le déclarer, séduites par ma vigueur musculaire et ma beauté, ne m'étaient point rebelles. Pour la forme, mes parents se désespéraient bien un peu de mon inaction, mais au fond, ils étaient flattés de mes succès. Et puis ils se disaient, il faisait sa gourme, ou bien, il faut que je la se passe. Car ils ne détestaient pas les aphorismes, et ils avaient de la sagesse. Ma jeunesse se passait non sans accroc, mais sans drame. Parfois les parents ou les maris de mes victimes n'ayant point pour leurs filles et pour leurs épouses la même philosophie que mes parents pour moi. Le curé, un grand ami de la maison et notre commensal presque quotidien, dut intervenir dans des affaires délicates et compliquées qui, grâce à lui et à la sainte religion, se terminèrent toujours à mon avantage. J'étais aussi protégé contre les vengeances des papas et des maris par ce fait que mon père était maire de la commune, suppléant du juge de paix du canton, et tous ces braves gens, outre que les troublaient fort l'exercice de ces deux puissances redoutables, étaient, par habitude et par avance, soumis à la dure loi des hiérarchies sociales. Par exemple, on ne m'aimait point. Je parle bien entendu des pères Susdits et des Susdits Marie. On me haïssait même. et bien que cette haine ne se manifesta jamais que par des regards sournois. Elle était fort injuste, car chaque année je dotais la commune de quelques enfants imprévus à qui j'avais su inculquer un peu de ma force et de ma beauté. Je travaillais donc à l'amélioration et par conséquent au bonheur de l'espèce. Cette seule considération suffisait à m'enorgueillir, à me persuader que j'étais un bon et utile citoyen, bien plus utile en vérité que si, comme tant d'autres, j'eusse perdu mon temps et mes puissantes facultés génératrices à me pourfondre dans une étude de notaire, ce qui était l'ambition de mon père, ou derrière le comptoir d'une boutique, ce vers quoi ma mère, avec son sens pratique de la vie moderne, cherchait à m'orienter. Content de mon rôle social, mais sentant néanmoins qu'il y manquait quelque chose, je l'augmentais de celui d'être un très bel ivrogne. Parmi les filles du pays, une seule m'avait résisté, et c'était précisément celle que je désirais le plus ardemment. C'était une superbe créature, très blanche de peau, très rousse de cheveux, avec des yeux tristes et infiniment voluptueux. Je crois bien que je n'ai jamais rencontré chez une femme de forme plus puissante et en même temps plus gracieuse et plus souple. Une véritable splendeur, un parfait chef-d'œuvre de la nature. Je la désirais passionnément, raison de sa beauté d'abord, et surtout, je crois bien, à raison de sa résistance. Jamais elle n'avait voulu écouter mes propos de galanterie. À toutes les offres que je lui avais adressées, j'étais allé un soir jusqu'à la demander en mariage, elle avait répondu par un non tellement violent qu'il abolissait à jamais l'espérance de la conquérir un jour. Par un crépuscule d'hiver très sombre, une fois que je rentrais de la chasse, je la croisais dans la ruelle et lui barrais la route. « Bonsoir, Marie, lui dis-je. « Passez votre chemin, dit-elle. « Voyons, Marie, pourquoi me repousses-tu? Laissez-moi tranquille. Je te désire, je te veux et je t'aurai. » Jamais. « Marie, assistais-je, la voix un peu tremblante de colère. « Je te veux et je t'aurai. » Je voulus la saisir par la taille, attirer à moi sa chair que je sentais ferme sous ma main, ferme et splendide et brûlante aussi, et glacée et pétrie de parfums de femme, comme je n'en avais pas encore respiré et qui me grisait. Elle se dégagea vite de mon étreinte, et d'une poussée rude, elle m'envoya rouler dans la ruelle, si fort que mon fusil, en tombant, se brisa en deux, et moi-même, je me luxai le poignet. Ne pouvant rien obtenir d'elle par la séduction, je tentai de la vaincre par la terreur. Je la menaçai de mon père, de cette terrible fonction. Je la menaçai de toutes sortes de catastrophes, en vain. Elle devenait plus méprisante. C'est tout ce que j'y gagnais. Jamais, jamais, jamais. Quand même, je devrais te défoncer le crâne et la poitrine, et t'avoir morte, je t'aurais. C'était par un rire insultant, diabolique qu'elle me répondait. Un rire qui m'entrait dans le cœur comme s'il eût été une grosse vrille de fer. Et ce rire soulevait, sous la mince étoffe de sa chemisette, les deux admirables rondeurs de ses seins. Non seulement elle me détestait, mais encore, elle ne me craignait point, ni moi, ni mon père, ni le curé, ni la sainte religion. J'étais au comble de la rage et du désir. Marie habitait avec ses parents tout près de chez moi, de l'autre côté de la rue, et juste en face, les chopes du cordonnier. Une petite maison blanche, dont la façade était tapissée tout entière de vignes. Elle était repasseuse de son métier. 20 fois, 30 fois par jour, je passais devant la maison, le corps bien droit, le mollet tendu, la moustache bien tirée. Et c'était pour moi un supplice et une joie infinie de la voir, de voir son buste souple et son merveilleux visage, encadré par l'arabesque des vignes, s'enlever, tout rose, à peine rose sur la blancheur des lingeries pendues sur une corde, au fond de la pièce où elle travaillait. Elle ne me regardait jamais. Jamais elle ne levait la tête, chargée de l'or de ses cheveux vers moi. Et ce qui m'exaspérait, c'est que, tous les soirs, sa journée finie, elle allait dans l'humble, sale et noire maison du cordonnier, qu'elle emplissait de sa gaieté et du rayonnement de ses yeux. Que faisait-elle là? Qui ou quoi pouvait l'attirer là, dans ce taudis sordide, au milieu de l'horrible odeur du vieux cuir et de la poix? Un soir, j'appris qu'on l'avait surprise, embrassant sous la bouche le fils du cordonnier, l'affreux petit bossu dont la bosse, à mesure qu'il grandissait, devenait quelque chose d'indescriptible et de si envahissant qu'on ne voyait plus maintenant dans son creux raviné que deux petits yeux obscènes et ricaneurs. J'avais assez pratiqué les femmes pour savoir ce que leur cœur peut contenir de pitié, de perversité aussi. Je savais qu'elles ignorent la plupart du dégoût et qu'il n'est point rare de voir des femmes se pâmer d'amour aux lèvres de monstres. Était-ce un sentiment de pitié? Était-ce un goût naturel de l'horreur qui avait entraîné Marie jusqu'à souiller sa bouche et probablement tout son délicieux corps au contact du petit bossu? J'étais, eut-il besoin de le dire, prodigieusement humilié, et loin que ce baiser me guérit de mon amour, il augmenta au contraire, d'une violence telle que je ne connus plus une minute de repos. C'est alors que je m'enfonçai, avec une joie de meurtre, dans les plus rugissantes ténèbres de l'alcool. Troisième partie. Le petit bossu, je ne pouvais pas le croire. Non, non, quand je passais devant ses fenêtres, encadrées de vignes, et que je la voyais penchée sur son ouvrage, les bras nus, la nuque toute rose, rayonnant de toutes les gloires de sa chair, tout en moi protestait contre cette prostitution absurde et infâme. Non, non, ce n'était pas vrai. Pourtant, je voulus en avoir le cœur net. À l'après-midi, que Marie était venue apporter du linge à la maison, et que nous étions seuls, tous les deux, dans la maison, je lui demandai brusquement. « Marie, est-ce vrai que tu aimes le petit bossu ?»« Oui, » fit-elle, « je l'aime. » À cette question qu'elle ne devait pas attendre de moi, elle n'avait pas eu la moindre secousse, marquée le plus léger étonnement. Cela m'irrita profondément. « Je ne te demande pas si tu aimes le petit bossu, je te demande si tu es sa maîtresse. » Comprends-tu? Ce n'est pas la même chose. Marie hésita un instant, puis avec des regards méchants, elle me dit « Oui, je suis sa maîtresse. » « Ce n'est pas vrai, » criai-je. « Tu mens !» Et je me mis à rire d'un rire pénible, qui ressemblait plutôt à un grognement. « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. C'est pour me taquiner que tu dis cela. » Sans rien répondre, elle avait déposé son panier sur une table de la pièce où nous étions, et les poings sur les hanches, dans une attitude de menace ou de défense. Elle fixait sur moi des yeux ironiques, agressifs et sans peur. Le soleil qui entrait par les fenêtres ouvertes faisait reluire sa chevelure comme un bloc d'or. Et en ce moment, je la désirais, comme jamais encore je ne l'avais désirée. J'étais devenu pâle, le sang affluait dans mon cœur, comme chantent les remous d'eau dans une écluse qui se vide. « Pourquoi es-tu sa maîtresse ? » repris-je après un silence, sur un ton moins dur et presque douloureux. Marie répliqua simplement « Parce que je l'aime. » « Et pourquoi l'aimes-tu ? » Elle haussa les épaules, commença de vider sur la table avec méthode son panier plein de linge et dit encore « Qu'est-ce que ça vous fait ? Pourquoi l'aimes-tu ? » J'avais mis dans cette interrogation réitérée, concentrée tout ce qu'il y avait en moi de puissance amoureuse, de séduction charnelle et de sourde colère aussi. Elle répondit « Parce qu'il est beau ? Je te défends de te moquer de moi ainsi !» Marie ajouta gravement « Et il est beau parce qu'il est pauvre, parce que tout le monde l'insulte ou le bat, parce qu'il est malheureux. Ha ha, ta pitié, je la connais, m'écriai-je. Moi aussi j'ai de la pitié, mais j'ai de la pitié que pour les forts, les grands, les riches, les heureux. Toi, ha ha, tu l'aimes, coquine. Oui, oui, tu l'aimes parce que les bossus, enfin, parbleu. Mais heureux de venir subitement entendre. Écoute, Marie, suppliai-je, moi aussi je sais de l'amour tout ce qu'en savent les bossus. J'en sais même davantage. Viens ici, Marie. Mais Marie ne bougea pas, ne me regarda pas. Elle continuait de ranger sur la table son linge dont elle faisait des tas. Regarde-moi, Marie, je suis beau, moi, je suis un homme. Et si c'est le vice que tu aimes, je t'assure que je suis plus vicieux que tous les bossus réunis. Écoute, ce n'est pas possible que tu te donnes un tel monstre. C'est un crime, le plus grand des crimes. Oui, oui, un crime envers toi-même, envers Dieu, la nature, l'espèce et moi-même. Nous ne pouvons tolérer un tel attentat contre toutes les lois de la vie. As-tu lu Darwin ? Lis Darwin, je te le donnerai à lire, et tu verras. Toi, la force, la santé, la splendeur de la chair, avec ce monstre ? Allons donc, je te dis que c'est impossible. Ou bien alors, rien n'existe plus. Il n'y a plus d'harmonie, de beauté, d'équilibre. Il n'y a plus rien. À cause du caprice monstrueux d'une femme. Et ce n'est pas seulement Dieu qui proteste et qui te punira. Ce n'est pas seulement la nature que tu outrages et l'espèce que tu avilis. C'est vous qui êtes une espèce de je ne sais quoi, interrompit Marie, qui, ayant vidé son panier et fini de ranger son linge sur la table, reprit son panier et se disposa à sortir. Je n'essayais pas de la retenir, tant je sentais mon impuissance sur elle. Oui, je sentais réellement que jamais je ne ferais passer dans son âme le moindre désir de moi, dans son esprit la moindre compréhension de la science moderne. J'aurais pu lui dire encore « Vois la belle, la splendide, la glorieuse œuvre d'humanité que nous pourrions faire ensemble. Avec quelle joie exaltée, beaux et forts comme nous le sommes, tous les deux, nous pourrions travailler à l'amélioration de l'espèce et, par conséquent, au grandissement de la patrie. » À quoi bon, puisque quand je lui parlais de l'espèce, elle s'imaginait que c'était une injure que j'adressais au petit bossu. Je la laissais partir, et comme elle partait, je dis d'une voix bredouillante de colère et de dépit, « C'est bien, je ne te parlerai plus de rien, plus jamais. Tu n'es pas digne de vivre la vie que je t'offrais, de collaborer avec moi à l'œuvre du bonheur universel. Je te livre à ton destin. Va-t'en, va retrouver ton monstre. Pâme-toi sur sa bouche fétide, sur ses dents carriées. Frotte ton corps d'aspérité de sa bosse. Emplis-toi de la laideur horrible de ses regards. Mais hâte-toi, et n'accuse que toi-même si bientôt il y a des malheurs ici, car il y aura des malheurs ici. » Elle répondit simplement, « Je ne vous crains pas, et le petit bossu que j'aime ne vous craint pas non plus, et c'est vous qui êtes laid, parce que vous êtes méchant, et c'est vous qui êtes une espèce, et je ne sais plus comment vous avez dit, et si jamais vous touchez, faites du mal au petit bossu que j'aime. » Ah ah ! Sur ce rire, sur les éclats de ce rire qui ne rimait à rien, elle ouvrit la porte et disparut. Avec toutes les rages dans le cœur, j'entendis ce rire dans le corridor, puis dans le jardin, puis derrière la grille. Je me vengerai, criai-je. Mais je ne pouvais plus entendre, et le soleil entrait toujours par les fenêtres ouvertes, et n'éclairait plus comme un nimbe d'or la chevelure de Marie. Oui, je me vengerai. Je restai là longtemps, ahumé, comme une bête lubrique, l'odeur de femme que Marie avait laissée dans la pièce, cette odeur infernale qui me mettait du feu dans la poitrine et faisait bouillir le sang de mes veines à gros bouillons. Je me vengerai, et je vengerai Dieu, la nature, l'espèce. C'est vous qui êtes une espèce de je ne sais quoi. Il n'y avait personne à la pièce. Il n'y avait que le chat qui dormait sur une chaise et des petits tas de linge rangés par Marie sur la table. Était-ce donc l'auteur, testé, qui avait poussé ce ricanement ? Je me vengerai. Je sortis, la tête lourde, l'âme mauvaise et grondante, et j'allai au carrefour des Trois Fétus, dans un sale bouchon, où je restais à me saouler, avec des rouliers, jusqu'à la nuit. Quatrième partie. À 5 kilomètres du village, il est à l'endroit désert et farouche, qu'on appelle la fontaine aux grands pierres. Je ne sais rien de plus lugubre. C'est au bas d'un coteau pelé, lépreux, tapissé çà et là de maigres bruyères, jamais fleuries, un vaste trou qu'on dit avoir été jadis une fontaine. Le trou s'est tari à la suite d'un miracle, ou plutôt d'une vengeance céleste, dont aucun parmi les plus vieux de la contrée n'a pu m'expliquer le sens. Ce trou est extrêmement profond, et même si j'en crois la rumeur publique, sans fond, comme l'enfer. J'ai constaté ce phénomène, qu'on n'entend pas tomber les pierres quand on y jette. Des ronces épaisses, enchevêtrées, des clématites sauvages, enlacées les unes aux autres, ferment sa gueule noire et sans voix. À gauche du trou, sur une largeur d'à peu près 200 mètres, s'étendent des sortes de tourbières où ne croissent, entre des flaques d'eau brunâtre, qu'une herbe grise, sale, et de ci, de là, quelques prêles plus verts. L'aspect de tout cela est singulièrement triste et sinistre. Pourtant, à la droite du trou, dans une fente du coteau, une oserée pousse très fraîche, très puissante, de végétation, et dont les longs brins brillent comme des tiges d'or. Les légendes transmises de génération en génération sur ce lieu maudit sont si terribles, d'année en année, d'une terreur plus vague, plus imprécise, que les gens s'écartent de la fontaine aux grands pierres avec épouvante, comme si c'était un endroit de mort, une terre enchantée. Il est encore accrédité parmi nous que des fantômes y reviennent la nuit, et des bergers, en traversant le coteau de bruyère, ont, même en plein jour, vu distinctement flotter au-dessus du trou des âmes, les unes toutes blanches, les autres toutes rouges, et qui ne semblaient guère catholiques. De tous les habitants du village et des villages chacun voisin, seul le petit bossu osait s'aventurer jusque-là. Et c'était juste, après tout, car sa figure et son corps de gnome complétaient admirablement le paysage. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Pourquoi et comment eût-il mieux aimé les belles prairies fleuries et les allées mystérieuses de la forêt, et le resplendissement des champs sous le soleil, et la vie mouvante, chantante, toute de reflets et de frissons, de la rivière. Sa laideur et sa difformité en eussent été décuplées, tandis que dans l'horreur de ce lieu, il s'harmonisait le mieux au monde, aux bosses de la pierre, aux chétivités de l'herbe, aux surfaces immobiles et sans reflets des eaux mortuaires. La vérité est que Vanier habile, le petit bossu, trouvant l'osier excellent, venait faire sa récolte de beaux brins fins et flexibles qu'il savait, avec une adresse incomparable, transformer en jolies corbeilles, en paniers de toutes les formes, qui vantaient au marché des environs. Mais si simple qu'elle fût, l'explication de ces promenades n'était pas suffisante pour l'esprit de Jean hanté sans cesse par l'idée du surnaturel. D'ailleurs, dans ma haine de ce monstre, j'avais contribué à faire croire qu'il n'allait à la fontaine au Grand-Pierre que pour des rencontres démoniaques et pour y célébrer des cultes terrifiants et défendus. Et je disais souvent sur un ton de prophète « Vous verrez qu'un jour, les diables jetteront au fond du trou. » Un jour que j'étais encore plus irrité qu'à l'ordinaire, je me décidai, moi aussi, à me rendre à la fontaine au Grand-Pierre. Quand on est sous l'empire d'une passion obsédante et malheureuse, les paysages coutumiers vous sont un intolérable ennui. Quand ce n'est pas une torture. On a besoin d'autre chose, d'autre forme, d'autre visage, ou distraire sa hantise. Les souderies n'avaient réussi qu'à augmenter mon désir et à transformer l'amour qui me dévorait en une véritable crise de meurtre. Au lieu de brouiller l'image de Marie, elle la rendait plus nette. Non seulement plus nette, mais infiniment plus voluptueuse. Et cependant, lorsque ce jour-là je partis, pour la fontaine au Grand-Pierre, je n'avais pas... je n'avais pas d'autre intention que de changer de spectacle et de fuir pour quelques heures tous les lieux qui me la rappelaient. Je me disais aussi que ce coteau sinistre, ce trou noir, cette mâchoire sombre, cette eau brune, ces ronces, cette herbe, conviendraient à l'état de mon âme, mieux que les coins de terre féconde où poussent les fleurs, les fruits, l'espoir. Dieu m'est témoin que pas une minute l'idée ne m'était venue que je puisse me trouver dans cette solitude près de ce trou sans voix qui ne rend pas le bruit des plaintes et le bruit des chutes. Me trouver face à face avec le petit bossu et, chose singulière, comme si j'eusse voulu me procurer par la suite un alibi et des témoignages sauveurs, je pris pour aller à la fontaine au Grand-Pierre par un long détour, par une route diamétralement opposée au but de ma promenade. Chose plus singulière encore, je rencontrai en sortant du village un ami, un compagnon de mes ivresses et de mes débauches. Et voici les mots que nous échangeâmes. Mon ami me dit « Où vas-tu ? » « Je vais aux Trois Fétus, » répondis-je. « Du moins, je vais sur la route des Trois Fétus. »« C'est dommage que je ne puisse pas aller avec toi, » me dit-il encore. « Mais j'attends le boucher à qui je vends une vache. Nous aurions bu une bonne bouteille au carrefour. »« C'est dommage, en effet, car sans toi, je n'irai pas jusqu'au carrefour. J'irai dormir dans un champ. » À l'ombre d'un arbre. Je me sens tout drôle. Compris, fit l'ami en ricanant, avec une belle fille pour l'initière. Et il me quitta, car c'était un brave fauchard et discret. Pourquoi ne pas avouer que j'allais à la fontaine au Grand-Pierre ? En vérité, je n'en sais rien. Je ne sais pas encore la raison qui me poussa à faire ce mensonge. Je crois bien que les actes sont en nous avant qu'ils arrivent à notre conscience et qu'ils nous guident, malgré nous. Depuis la scène de la lingerie, je n'avais pas reparlé à Marie, je n'avais pas non plus reparlé au petit bossu. Quand je les rencontrais dans la rue ou sur le pas de leur porte, j'affectais de ne pas les voir. Même une fois que Marie était venue à la maison et qu'elle m'avait trouvé seule, encore, nous n'avions pas échangé une parole sur l'affaire. Et Marie m'avait dit en partant, avec un sourire gentil qui me traversa le cœur comme un coup de couteau, « Ah, vous êtes plus raisonnable, monsieur Georges, c'est bien ça. » Oui, oui, avais-je répliqué en me mordant les lèvres, je suis plus raisonnable, je défous de penser à ça. Maintenant, je n'y penserai plus. Si vous n'y pensez plus, eh bien, nous pourrons causer ensemble, comme autrefois. Je ne désire pas causer ensemble, comme autrefois, comme vous voudrez, monsieur Georges. Mais c'est vrai que je vous déteste moins depuis que vous êtes raisonnable. J'avais eu envie de la faire taire d'un coup de poing, tant ses paroles m'étaient cruelles, mais je m'étais contenu. J'avais même eu la force de lui sourire, et en partant, elle m'avait dit encore, « Eh bien, au revoir, monsieur Georges. Je suis contente que vous soyez si raisonnable. Oui, oui, je le serai plus encore tu verras. » Ah, s'il avait pu lire dans mon cœur, s'il avait pu voir la haine, l'horrible haine qui me tordait le cœur, elle serait partie, pleine d'épouvante. Et je pensais à cela, tout en marchant. Je marchais vite, très vite, faisant sonner mes souliers sur la terre, abattant l'époustarbe, les herbes, les fleurettes sur mon passage à coups de bâton. Je marchais sans but, sans autre but que de marcher, pour me briser les membres, pour éteindre dans mes veines le double feu de haine et d'amour qui me dévorait. Je marchais aussi, loin des routes et loin des centres. Je longeais les haies, les fossés, les talus. Dès que j'apercevais au loin un homme, dans un champ, je l'évitais. Tout à coup, en sautant, allié, je me trouvais au bout d'un charme, face à face avec un fermier de mon père. « Bonjour, monsieur Georges. »« Bonjour, père Lormeau. » Et très vite, très haletant. « Ah, vous savez, père Lormeau, je vais aux trois fêtus. »« Bien, bien, monsieur Georges. » »« J'ai assisté aux trois fêtus. »« Bien, bien. » Et je me mis à courir. Quand une heure après, j'arrivais à la fontaine au Grand-Pierre, j'étais brisé de fatigue. Je me laissais tomber près du trou sur une grosse pierre. La tourbière était sinistre. Le coteau plus pelé, plus léproux que jamais. Des corbeaux passaient très haut dans le ciel. Et du ciel morne et gris, un silence de mort tombé. Tout à coup, à ma droite, une voix chanta, une voix qui semblait venir de dessous l'oseraie. Chanta « Connais-tu le pays ?» Cinquième partie. Dans la voix qui chantait sous l'oseraie, j'avais reconnu la voix, la ricanante et glapissante voix du petit bossu. La voix chanta encore. « Connais-tu le pays ?» J'eus le cœur serré par une inexprimable émotion, une émotion si secouante et si forte que je ne puis dire non en vérité si c'était une sorte de plaisir sauvage qui entrait en moi ou de fureur haineuse. Dans les sensations brusques que nous éprouvons, il y a un instant de violence où l'amour et la haine se confondent dans la même ivresse, où la joie devient de la douleur par son intensité même, où la douleur vous exalte comme une poussée de plaisir. Et le paysage animé, une seconde, par cette voix me parut encore plus sinistre. Près de moi, les ronces et les clématites, qui bordaient de leur masse mouvante la gueule du trou, semblaient s'ouvrir et se refermer comme une mâchoire de monstre, et le ciel, au-dessus des eaux mortuaires, se plombait davantage. Après un intervalle de silence, la voix reprit, plus rapprochée de moi. « Connais-tu le pays ?» Et ce n'était pas un chant, c'était quelque chose comme un ricanant, traînard et tremblé, quelque chose d'intermédiaire entre un cri de singe, un asillement d'orgue, un aboi de chien, un croissement de corbeau. Toutes les sonorités désagréables et stupides, on eût dit qu'elles se fussent individualisées dans cette voix qui chantait sous l'oseraie. Cela coulait sous l'oseraie, cela s'avançait sous l'oseraie, tantôt clair, tantôt étouffé, et j'entendais, avec un piétinement mou, le bruit des branches déplacées par la voix. Puis cela se taisait, recommençait, se taisait encore. Je me levai machinalement, un peu ivre, de quoi j'ignorais. Je pris une pierre et la lançai dans le trou. Ensuite j'écoutai. Nul choc, nul bruit ne m'avertit que la pierre était descendue au fond. Elle continue de descendre toujours, dans une chute silencieuse, comme si elle devait traverser toute la terre. Et le silence, l'effroyable silence de cette pierre, jetée dans cet abîme, était si impressionnant que je haletais, la gorge sèche, la sueur au front. La voix reprit encore « Connais-tu le pays ?» Et c'est ça bientôt. Et le bruit des branches remuées, c'est ça aussi. Et je vis tout à coup, débouchant de l'oseraie, le petit bossu. Je ne m'étais pas trompé. Et qui donc, sinon lui, aurait pu chanter dans ce paysage de mort ? Il se présentait de profil, si l'on peut dire, de son corps qu'il eut un profil, une face, n'importe quoi. À peine si sa tête, que coiffait une casquette plate, dépassait d'un centimètre le surossement bombé des épaules. Ses épaules avaient l'air d'un épée collée, relevée sur sa nuque. Il n'avait réellement rien d'humain. Je le regardais, consterné. Son corps était pareil à un bloc de bois dans lequel un bûcheron eut donné, au hasard, quelques stupides coups de cognée. De son visage, je ne voyais rien qu'une ligne bossuée. Sous son bras, semblable à un dégrossissement, à une entaille grossière, il portait une botte d'osier fraîchement cueillie. Il s'arrêta au bord de l'oseraie en chantant encore à pleine voix. « Connais-tu le pays ?» Véritablement, c'était comme un défi à la nature, une parodie effrayante de la vie. Au contact de cette laideur humaine, les mornes bruyères du coteau paraissaient des plus splendides. Rien que sa présence changeait en jardin de rêve les affreuses tourbières avec leurs eaux noirâtres et leur verdure grise. Mon premier mouvement fut de me jeter sur le misérable avorton. Je parvins cependant à me contenir. Je voulais jouir, avec une sorte de frénésie douloureuse, de mon humiliation. Non, vraiment, était-ce possible que ce fût cet être de cauchemar, cette créature pudiforme qu'une idole papou, qui m'eût volé l'amour de Marie? Était-ce concevable que ses lèvres se fussent posées sur celles de Marie, et que Marie eût respiré l'odeur de cette haleine dans un baiser? Marie mentait quand elle me disait, avec ses yeux de haine provocatrice, qu'elle aimait cette reliure monstrueuse d'humanité. Ah non, non, elle mentait, parbleu. Elle avait imaginé ce mensonge pour me faire souffrir davantage. Et connaissant peut-être tout l'inconnu, tout l'atroce qui rampe au fond des ténèbres du désir, pour exaspérer jusqu'à la folie, jusqu'au crime, mon désir d'elle, de ses lèvres amoureuses, de ses yeux pâmés, de son corps souillé par les lèvres, les yeux, le corps du petit bossu. Non, non, ce n'était pas vrai, elle mentait, et ils mentaient tous. La nature ne pouvait commettre un tel forfait envers son œuvre de vie renouvelée, d'amour éternel. Le petit bossu était immobile, et d'être immobile ainsi, et pour ainsi dire, incrusté au sol, il ressemblait maintenant à un vieux tronc d'arbre coupé, noirci par la pluie, mangé par la mousse. « Viens ici !» criai-je tout à coup. Le petit bossu détourna la tête et m'aperçut. « Viens ici !» commandai-je d'une voix plus forte. Il eut un affreux sourire, et sans trembler, s'avança vers moi. « Que me veux-tu » demanda-t-il. « Tu veux me battre encore ? Tu en as le droit, puisque je suis le plus faible. Mais tout cela ne fera pas que Marie t'aime jamais. Tais-toi, ne parle pas d'elle !» Et je levai mes bras, et le petit bossu ne bougea pas. Il dit en ricanant, « Plus tu me battras, plus elle m'aimera. J'ai eu bien des fois la peau écorchée de tes coups. C'était délicieux, parce qu'elle pansait mes blessures avec ses lèvres. Tais-toi et dis que ça n'est pas vrai. » Le petit bossu sourit et ne répondit pas. Son sourire était si aigu et si fixe. Il me narguait tellement, avec une ironie si tranquille et si forte que la patience m'abandonna. Je laissai retomber mes bras sur son crâne. Étourdi par la violence du coup, il chancela, s'abattit sur l'herbe. Il n'était pas évanoui. Il dit encore, « Qu'est-ce que cela fait que tu me tues, puisque Marie m'aimera encore mieux mort que vivant? Et plus je serai mort, et plus elle aura horreur de toi. » Mais j'avais mis mon genou sur sa poitrine et ma main sur sa bouche. Il ne résistait pas, ne se débattait pas. Son œil conservait le même sourire ironique. « Dis-moi que ce n'est pas vrai !» répétai-je au comble de la fureur. Sous ma main, sa bouche ne fit pas un mouvement. Alors je l'empoignai. Je le soulevai de terre et, m'approchant du trou, je le lançai comme une pierre dans l'abîme. Les mâchoires de ronces se refermèrent sur lui. Pas un bruit, pas un choc, rien. J'écartai les ronces, me penchai au bord du trou, écoutai. Pas un bruit, pas un choc, rien, rien, sinon qu'une vibration légère, la plainte d'une corde qui se déroule au fond d'un puits. Et, comme je demeurais penché sur le trou, tout à coup j'entendis le chant, l'affreux chant de l'oseraie. Connais-tu le pays ? Mais c'était moi qui machinalement l'avais chanté, ce chant, en imitant la voix du petit bossu. Et l'abîme le répétait en écho, dans ses profondeurs inconnues. Grand 6. Le lendemain, après le dîner, l'idée me vint de passer la soirée chez le cordonnier. Une sorte d'inquiétude inexplicable, en même temps qu'une sorte de perversité cruelle, me poussait là, dans cette pauvre maison, tout naturellement. Je voulais être sûr que le petit bossu n'était pas revenu, n'était pas ressuscité. « Eh bien, » dis-je en entrant sous le ton d'une amicale anxiété, « toujours pas de nouvelles ?»« Hélas !» gémit le père. « Il est perdu, perdu !» sanglota la mère. Marie, qui était là, entre les deux parents affligés, ne dit rien. Elle me regarda d'un œil fixe et dur, d'un œil qui m'accusait de la mort du petit bossu, mais je ne sais pourquoi, il me semblait que son regard contenait moins de haine qu'autrefois. Le père travaillait sous une petite lampe à pétrole à assouplir un vieux morceau de cuir. La mère, les yeux cerclés de lunettes, reprisait des bas. Et Marie ne faisait rien, assise, le buste droit, les mains croisées sur ses genoux, son visage d'un blanc laiteux dans la pénombre de la pièce. « T'es curieux, » repris-je, après un court silence. Et j'ajoutai, « Qu'a-t-il pu lui arriver, mon Dieu ?» deux longs soupirs, me répondit. Et Marie me regarda d'un œil encore plus fixe. J'étais calme, je montrais beaucoup d'aisance dans mes manières. Ma voix ne tremblait pas quand, en m'adressant à Marie, je lui demandai « Et vous, Marie, que pensez-vous » En même temps, je plantai mon regard dans le sien, un regard si terrible qu'elle ne put en supporter la violence. Peu à peu, elle baissa les yeux, comme vaincue, et d'un air confus et troublé, elle se mit à examiner la pièce autour d'elle. Les tablis couverts de poids étaient pleins d'outils. Le plancher jonché de rognures de cuir. Au mur, en face d'elle, dans un cadre noir, la face impassible et morte du président Carnot. Je demandai encore, Enfin, sait-on où il est allé? L'a-t-on vu quelque part? Le père laissa un instant son ouvrage et il dit: et il n'avait plus d'osier, sûr qu'il est allé à la fontaine au Grand-Pierre. Ah, voilà, et il y est allé déjà tant de fois que ce n'est pas une raison qu'il n'en soit pas revenu. Sans doute, expliquai-je. Mais il y a un grand trou, la fontaine au Grand-Pierre, un trou dont on ne connaît pas le fond. Et puis, c'est certain, il y a aussi des démons. Peut-être bien, fit le père. Jésus, mon Dieu, fit la mère qui se signa. Un démon, tout au moins, fit Marie. Mais cette fois, elle n'osa pas lever les yeux sur moi. Les paupières baissées, un peu tremblantes, la bouche mi-ouverte, elle considérait ses mains placées sur sa robe, des mains très longues et très blanches, mais dont les travaux de couture avaient grossi au bout et comme effritées les doigts. Au dehors, la rue était silencieuse, il ne passait presque plus personne. Quand un bruit de pas, un bruit quelconque, se faisait entendre, je me levais, j'allais ouvrir la porte, j'écoutais, et reprenant ma place. « Non, ce n'est rien, c'est un tel qui passe, » renseignai-je d'un air découragé. Et le père reprenait son travail. La mère poussait à nouveau son aiguille, les yeux davantage bridés sous les lunettes. La lumière de la lampe, modelée de clartés crues et d'ombres noires, leurs deux visages tristes, mais comme sont tristes les visages des bêtes, où nous ne percevons ni joie ni douleur, où nous ne percevons que l'immense tristesse animale des êtres qui ne comprennent pas. Et durant plus d'une heure, nous demeurâmes ainsi sans parler. Moi, je pensais, avec une grande tranquillité d'esprit, à la mâchoire de ronces et de clématites qui avait englouti le petit bossu, et je chantais en dedans de moi-même sur un rythme très d'art et de lent. « Connais-tu le pays ?» Et je me disais: « Oui, oui, il le connaît maintenant, le pays. Ha, ha, il le connaît. Et peut-être qu'il descend encore, qu'il descend toujours dans ce noir sans fond. » Marie continuait de baisser les yeux. À quoi songeait-elle? Elle ne regardait plus ses mains, ni l'établi, ni le plancher, ni la face morte du président Carnot, ni rien, rien, rien. Moi, je voyais l'étoffe de sa robe se creuser au ventre, dessiner les cuisses. Je devinais ses bras blonds et pleins, et les rondeurs neigeuses de sa poitrine, et sa nuque, sur laquelle frissotaient des cheveux blonds qu'un rayon de la lampe traversait et faisait transparent comme de l'ambre. Et jamais, jamais plus, ni son visage, ni ses yeux, ni ses bras, ni ses seins ne seraient baisés par les lèvres obscènes et dégoûtantes du petit bossu. Et un espoir entrait en moi, un espoir se fortifiait en moi. Il était tard quand nous sortîmes, Marie et moi, de la maison du cordonnier. La rue était déserte, nulle lumière aux fenêtres, le village dormait profondément. « Bonsoir, Marie, dis-je. « Bonsoir, Monsieur Georges, dit Marie. » Elle demeurait là, sans bouger, gênée, la tête penchée sur le sol, que la lune éclairait, sur le sol où nos deux ombres raccourcies se confondaient, et tout à coup, la voix sanglotante. « C'est vous qui l'avez tué. C'est vous qui l'avez tué, » cria-t-elle. Je lui pris les mains, ses mains tremblèrent dans les miennes, mais elle ne fit aucun mouvement pour les retirer. Elle répéta: « C'est vous qui l'avez tué, c'est vous qui l'avez tué. Pourquoi dis-tu cela, Marie? C'est la folie. J'avais toujours ses mains dans les miennes, je les caressais doucement. Pourquoi l'aurais-je tué? Comment l'aurais-je tué? Je te défends de dire des choses pareilles. Si, si, si, vous l'avez tué. » Et mes mains remontaient sur son bras, vers ses épaules, sur sa nuque, qui ployait sous leur douce pression. « Ah, mon Dieu, vous l'avez tué. Tais-toi donc, tu ne sais pas ce que tu dis. » Je m'étais rapproché d'elle, si près d'elle que ma poitrine frôlait la sienne, que ma tête frôlait la sienne. « Vous l'avez tué, vous l'avez tué, vous !» Je lui fermais la bouche d'un baiser. Et il me sembla qu'elle défaillait dans mes bras, sous mon baiser. « Non, non, monsieur Georges, ce n'est pas possible. Vous savez bien, laissez-moi. » Et à chaque parole, haletante, entrecoupée, elle s'abandonnait davantage, et ses mains se crispaient, s'accrochaient à mes bras, à ma taille, à mes épaules. Sa poitrine battait, ses tempes battaient, ses dents s'entrechoquaient. « Vous l'avez tué ?» Sa voix était comme un soupir, comme un spasme. Sans résistance, je l'entraînais hors du village. À 50 mètres, il y avait, dans un renfoncement de la route, une sorte de petit calvaire planté sur 4 marches de pierre. Je l'assis sur la marche, je m'assis auprès d'elle. « Marie, ma petite Marie !» Elle m'entoura de ses bras, laissa tomber sa tête sur ma poitrine. « mon Dieu, fit-elle. Ah, quand j'y repense !» 7e et dernière partie. Voici exactement 3 mois aujourd'hui que Marie s'est donnée à moi, dans des circonstances étranges, surhumainement tragiques, que j'ai dites. Et elle-même, elle n'a pas cessé de m'aimer, comme elle m'aima le soir où elle se livra, corps et âme, à mes luxures, sur les nocturnes marches du petit calvaire. La femme qui me haïssait d'une haine si furieuse, qui non seulement me haïssait, mais encore me méprisait d'un mépris infini, que je dégoûtais d'un irréparable dégoût, et est devenue brusquement une créature d'amour, est devenue l'amour, avec tous ses emportements de désir, ses vibrants éclats de passion, mais aussi avec ses souplesses, ses servilités, ses curiosités qu'on ne peut pas assouvir. De volonté, elle, si volontaire, elle n'en a pas d'autre que la mienne. Elle veut ce que je veux et fait ce que je dis sans se demander une seule minute si c'est bien ou si c'est mal et où cela peut la conduire. Elle n'hésiterait pas à commettre un crime si je lui en exprimais le désir, même par un simple regard. Mes duretés, mes cruautés ne la rebutent jamais. Au contraire, elle semble y puiser plus d'exaltation. Elle semble aussi reconnaissante des coups dont parfois, sans raison, pour le plaisir, il m'arrive de meurtrir sa chair admirable. On dirait qu'elle vit dominée par une suggestion unique qui la force à s'humilier devant moi. Vraiment, elle éprouve à se dégrader, à n'être qu'une petite chose vile, une joie immense et comme un spasme de bonheur physique. Sa plus grande jouissance serait que, couchée à mes pieds, sous mes pieds, je la rudoie, je la piétine, sans merci. Et c'est dans le sang du petit bossu que s'est opérée en une seconde cette miraculeuse transformation. Dès l'instant où elle a senti que c'était moi qui avais tué le petit bossu, elle s'était faite mon esclave. Toute sa fierté est tombée devant l'assassin que je suis. Elle détestait l'amoureux, mais l'amoureux s'étant changé en meurtrier, elle l'a adoré. De quelles effrayantes passivités sont donc faits la chair et l'esprit de femme? Par quel mystérieux chemin le sang va-t-il réveiller en elle les grands désirs sauvages de la brute? J'ai lu autrefois dans je ne sais quel livre que l'amour trouvait son aliment dans la mort. Cela me paraissait une chose inconcevable et folle. Je ne voulais pas y croire. J'ai vu aussi un jour ce dessin, une femme toute nue, enchaînée sur un perchoir, comme un perroquet. Chaque matin, on lui apportait des cœurs sanglants de jeunes hommes, et chaque matin, elle était plus amoureuse et plus belle. Je criais que c'était une infamie, un sacrilège, un crime. On m'aperçoit aujourd'hui que c'est là une vérité qui parfois me terrifie. Car je ne la comprends pas. Je ne comprends pas qu'il puisse y avoir du sang et de la mort à la base de tout amour. L'amour, c'est la vie, c'est le renouvellement de l'être, c'est la création. Justement, me répond une voix intérieure, pour vivre, pour renouveler, pour créer, ne faut-il pas détruire? N'est-ce pas dans la décomposition, dans la pourriture, que la vie fait son nid et dépose ses germes? L'être ne peut pas se développer sur l'or et le diamant. Il lui faut les charognes et l'excrément. Il n'est pas de la simple boue, comme le voudrait la Genèse. Il naît d'un petit tas de sani, d'un petit morceau de chair morte, d'une fiente. Ah, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Il y a quelque chose de pire dans l'amour de Marie. L'amour de Marie n'est-il pas semblable au monstrueux désir qui hante l'esprit des nécrophiles? M'aimer dans les conditions elles-mêmes, n'est-ce pas aussi terrible, aussi anti-humain que ce que font les violateurs de tombes qui, la nuit, dans les cimetières, déterrent les cadavres pour les souiller? Ah, comme je la détesterais si je n'éprouvais pas moi aussi une joie folle à la faire souffrir et à l'aimer de toutes les souffrances morales et physiques que je lui inflige et qu'elle accepte et qu'elle subit avec des effusions de tendresse, avec des cris éperdus de reconnaissance. Souvent, j'ai demandé à Marie, dans l'espoir ou dans la crainte, je ne sais, qu'elle allait me parler de lui. « Pourquoi m'as-tu aimé comme ça, tout d'un coup, Marie ?» Et Marie répond tremblante. « Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Non, en vérité, je ne sais pas. » Puis elle pleure, puis elle suffoque. Et soudain, m'entourant ses bras, m'étouffant dans ses bras, les yeux ivres, la bouche gonflée de je ne sais quelle mystérieuse force d'amour, elle répète « Je ne sais pas, je ne sais pas. » Et elle ne sait pas, en effet. Elle ne sait pas pourquoi elle me haïssait jadis. Pourquoi elle m'aime aujourd'hui? Elle ne sait rien. Une fois, je lui dis, « Tu me regardes toujours comme si tu avais peur de moi. Est-ce que tu as peur de moi? Je ne sais pas. Écoute, Marie, c'est demain dimanche. Il faut que tu fasses une belle promenade. Veux-tu? Je veux bien. Je veux tout ce que vous voulez. Écoute, Marie, nous irons tous les deux à la fontaine aux Grands-Pierres. » Marie fut prise d'un grand frisson. Ses yeux chavirèrent dans leurs orbites, comme une petite barque sur la mer, sous un vent de tempête. Ses dents s'entrechoquèrent. Elle joignit ses mains dans un geste de prière. « Non, non, cria-t-elle, oh, je vous en prie, non, pas là, jamais là. Et pourquoi? Je ne sais pas, Je te désire, Marie. » Alors elle se tut, et longtemps, longtemps elle me regarda, d'un regard où il y avait tour à tour de la terreur et de la supplication. « Oui, accentuai-je, il y a quelques jours que je désire aller avec toi à la fontaine de Grand-Pierre. »« J'irai, dit-elle, là où vous désirez que j'aille. » Elle était pâle, d'une pâleur presque cadavérique. Des gouttes de sueur roulaient sur ses tempes. J'insistais. « Voyons, Marie, dis ceci, répète ceci. Oui, j'irai demain avec vous à la fontaine de Grand-Pierre. » Elle fit des efforts pour parler, mais les mots qu'elle mâchait avec des grimaces de terreur ne sortaient pas de sa bouche, ne pouvaient pas sortir de sa bouche. « Allons, Marie, à la fontaine. »« À la fontaine, » bégaya Marie. « Au Grand-Pierre. »« Au Grand. » Et tout à coup, les yeux fous, la gorge haletante, elle s'affaissa sur le lit, criant « Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. » Le lendemain, je la trouvais sur la route, à l'endroit où je lui avais donné rendez-vous. Depuis une heure, elle m'attendait, elle avait mis sa plus belle robe, une chemisette rose avec une pauvre petite dentelle d'un dessin grossier. Un grand chapeau de paille où s'écrasaient les éboulis de rose la coiffaient. Marchons, Marie. Il faisait une journée très chaude. De gros nuages d'un bleu noir passaient de temps en temps dans le ciel. Et sous le ciel d'orage, la route était toute blanche, agressivement, cruellement blanche. Nous marchâmes côte à côte, sans dire un mot. Marie ne s'intéressait à rien sur la route. Ni aux fleurs des talus, ni aux insectes qui bourdonnaient dans la haie, ni aux oiseaux que l'orage surexcitait, ni au feuillage des arbres, étrangement vert sur le fond bleu sombre du ciel. Elle marchait droite, la tête presque immobile, d'un pas saccadé de somnambule. Et le vent, qui parfois soufflait d'un nuage vite disparu, soulevait les grandes ailes du chapeau. Huitième partie. Il était 2 heures quand nous arrivâmes, muets, fatigués, à la fontaine aux Grand-Pierre. L'orage avait cédé, s'était éloigné vers le sud. Une brise fraîche tempérait maintenant les ardeurs électriques du ciel, où les nuages moins noirs, moins épais passaient, élargissant de plus vastes interstices d'azur. Tout était désert, le coteau, la tourbière, l'oseraie. Je dis à Marie, « Eh bien, reposons-nous maintenant. Est-ce que tu as toujours peur ?»« Je n'ai pas peur, dit Marie. C'est autre chose. »« Quoi donc ?»« Je ne sais pas. » Elle examine le coteau pelé, où les bruyères ne parvenaient pas à fleurir, puis elle suivit dans l'air le vol de corbeaux. Je dis encore à Marie, « Est-ce que tu es déjà venu à la fontaine au Grand-Pierre ?» Marie réfléchit une seconde. « Oui, dit-elle, du moins je suppose, il y a très longtemps. Seule ? Oh non, je suis venu avec, je ne sais pas. » Elle regarda autour d'elle d'un regard morne, d'un regard qui ne voyait rien, ni le ciel, ni le coteau, ni la tourbière, ni elle-même. Je cherchais une place molle et douce, où nous asseoir tous les deux, où nous étendre au besoin. « Qu'est-ce que tu regardes ainsi ?» demandai-je à Marie. « Rien, dit-elle. » Elle était tremblante un peu, mais pas plus qu'à l'ordinaire, pas plus que quand elle était chez moi, dans ma chambre, pas plus que lorsque j'étais chez elle, le soir, sous la lampe de famille. Nous nous assîmes côte à côte, non loin du trou, sur un épais tapis d'herbe. « Tu m'aimes beaucoup, Marie ?»« Je ne sais pas. »« Tu ne sais pas ? Alors pourquoi t'es-tu donné à moi, comme ça, tout de suite, sans résistance ?»« C'était plus fort que moi. »« Est-ce que tu me hais ?»« Je ne sais pas. » D'un geste lent et peureux, elle me désigna le trou qui s'ouvrait très noir, entre les mouvantes mâchoires des clématites et des ronces. « C'est le trou ? » fit-elle. « Oui. » « Le trou sans fond ? » ?»« Oui. » »« Ah, c'est vrai, je me rappelle. » Et elle se tut. Les clématites étaient défleuries. Des graines plumeuses, soyeuses, ailées avaient remplacé les fleurs. De petits fruits noirs ornaient les sarments des ronces. Et en face de nous, la tourbière était plus sinistre. Il me semblait que les eaux nous regardaient de 1000 regards bruns. Une bergeronnette vint, ou on ne sait d'où. Elle sautilla légère, de flaque en flaque, comme une pensée candide sautille parfois dans le cerveau d'un mauvais homme. « Et l'oserai, » dit Marie, rompant enfin le silence. « Je ne la vois pas. »« Elle est derrière le puits du coteau. Si tu veux, je te la montrerai. »« Non, non, je demandais cela comme j'aurais demandé autre chose. »« Ah, Dieu, non, je ne veux pas la voir. » Elle était maintenant étendue sur le dos, le chapeau rabattu sur son visage, les bras allongés, les mains à plat dans l'herbe. Je me penchai vers elle. « Marie, m'écoutes-tu ? » « Oui, oui, je vous écoute toujours, même quand vous ne parlez pas. » « Eh bien, expliquai-je lentement, c'est là qu'il venait quelquefois, cueillir l'osier de ses corbeilles et de ses paniers. Un soubresaut, une sorte de frisson convulsif secoua son corps. « Taisez-vous, fit Marie, ne parlez pas de ça, ne parlez pas de lui, jamais !» Elle avait saisi ma main dans la sienne, puis mon bras, dans un serment passionné. « Pas de lui, jamais » répéta-t-elle. Sa poitrine se soulevait en mouvement précipité, sa gorge haletait. Jamais, jamais. Puis, se levant soudain, je ne suis pas lasse, j'aime mieux marcher, j'aime mieux, je ne sais pas quoi, dit Marie. Et quand elle fut debout, elle poussa un cri. Mon Dieu, fit-elle. Moi aussi, je me levai. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle frissonnait. Ses yeux exprimaient une terreur folle. Elle dit en claquant des dents. Regardez, là, c'est lui. Et elle me montra une vieille trogne morte d'osier que nous n'avions pas tout d'abord remarquée. En effet, elle lui ressemblait. Elle sortait de l'herbe, trapue, basse, sans branches. Elle était couverte d'une écorce fendillée, noircie, déchirée comme ses vêtements. Des nœuds, des bosses la terminaient par le haut. Quelque chose de tordu, de plus lisse, lui faisait comme un visage, comme son visage. Véritablement, dans cette partie écorchée du bois, on distinguait des yeux ricanants, une bouche plissée, un nez obscène. Lui, lui, lui. Et j'avais beau savoir que ce n'était là qu'une trogne d'osier, je ne pouvais m'empêcher de trembler moi aussi. Un moment même, je crus que c'était lui, que le gouffre l'avait rejeté, et l'hallucination fut si forte que je me précipitai, les poings levés sur la trogne en criant « Va-t'en, va-t'en !» Mais je reconnus vite mon erreur, et me tournant vers Marie, dont le chapeau était tombé par terre, dont les cheveux dénoués couvraient les épaules d'un emmêlement doré, je hurlai, oui, en vérité, je hurlai « Viens ici !» Marie s'avança toute droite, les yeux fixes vers la trogne immobile. « Tu vois, ce n'est pas lui !» Et d'une voix plus rauque. « Mais si tu veux le voir, regarde dans le trou. Si tu veux l'entendre, penche-toi vers le trou. » Je la saisis par le bras violemment et je l'entraînai vers l'abîme. Neuvième partie. Je l'entraînai vers l'abîme. Et alors tout à coup, j'eus la révélation véritable et très nette des sentiments latents, encore obscurs que m'inspirait Marie, et des prochains et immenses et intolérables dégoûts dont, par elle, j'allais avoir l'âme toute remplie. Le moment me paraissait arrivé où je ne pouvais plus supporter son visage, son corps, ses baisers, son âme et tout ce que son amour pour moi avait de résignation servile, de passivité hantée, tout ce qu'il y avait de sacrifié, d'agenouillé, d'effondré. Ah Dieu, non, jamais plus, jamais plus. Ces baisers déjà, après l'acte accompli, après la chair assouvie, ces baisers stupides, ces agaçantes lèvres cherchant mes lèvres, ce corps cherchant mon corps, comme tout cela m'était odieux. Qu'est-ce que cela serait donc dans quelques mois, dans quelques jours? Marie était près de moi. Elle m'attendait, les yeux fixes, le corps immobile. Me voyait-elle? Voyait-elle le paysage désert à qui les petites bergeronnettes seules donnaient une menue palpitation de vie? Ah, je n'en sais rien. Et je songeais à notre aventure. Tout d'abord, la résistance sauvage de Marie. Sa passion monstrueuse pour le petit bossu avait surexcité en moi de furieux désirs d'elle. Puis, lorsqu'elle se fut donnée, sa soumission, son consentement d'esclave à mes cruautés, l'acceptation silencieuse des humiliations que je lui imposais, cette sorte d'ivresse muette et terrible qu'elle trouvait dans l'abaissement, dans l'anéantissement de sa personnalité, cette volupté, pour ainsi dire, sadique, qui s'exaltait sous mes coups, sous mes piétinements, sous mes souillures, qui prenait de jour en jour un caractère plus féroce, tout cela après avoir, durant quelques mois, amusé mes sens et réjouit les changeants caprices de ma débauche, m'écœurait profondément, me fatiguait comme la monotonie d'un spectacle, toujours le même. Et puis, l'homme le plus dominateur est ainsi fait qu'il se lasse à la longue de dominer le néant, de même que l'autorité d'un tyran, le plaisir d'un débauché veut, pour son renouvellement, pour l'accroissement de ses sensations et de ses énergies, des résistances, des luttes farouches, des obstacles à franchir, des volontés à violenter. Qu'est-ce donc, je vous prie, qu'un conquérant qui ne trouve de sans soi que des campagnes déjà dévastées, des villes en ruines, des peuples enfuis, des armées mortes? Non, non, ah Dieu non, la joie de la conquête, ce sont précisément les ruines qu'on fait soi-même, c'est tout ce qu'on tue, tout ce qu'on dévaste, tout ce qu'on détruit soi-même. Alors, à quoi bon? Je regardais Marie, elle me parut laide, vulgaire. Je ne retrouvais plus d'éclat aux blancheurs de sa peau, aux ardeurs rousses de sa chevelure. Elle était raide et fixe, son buste grossier, ses hanches sans souplesse, et son regard avait quelque chose d'animal que je ne reconnaissais plus. La quitter, c'était facile parbleu, c'était trop facile. Je n'avais qu'à justifier son congé, à lui dire « Marie, je veux plus de toi, va-t'en. » Rien à redouter, ni une plainte, ni un reproche, ni une scène de désespoir et de larmes, ni un effort à se raccrocher à moi. Je n'avais à craindre aucun des ennuis, aucune des saletés dans sa compagne, ordinairement, les ruptures d'amour. Va-t'en, va-t'en, va-t'en ! et elle serait partie, silencieusement, sans une prière, sans une supplication, sans une menace, du moment que j'eusse exprimé la volonté qu'elle partît. J'entends qu'elle disparut de ma vue, sentimentale et passionnelle. Elle en serait partie comme il était entré, tout d'un coup. Oui, mais cela ne terminait rien. Il me fallait quelque chose de plus définitif que l'adieu, quelque chose d'absolu. Non seulement je ne voulais plus de son amour, mais je ne voulais plus d'elle, de sa présence quelque part, de sa rencontre quotidienne dans les rues du village ou dans les centres des champs, de son ombre même, glissant le soir sur les vitres éclairées de sa fenêtre. Être exposé à la revoir toujours, sur le pas de sa porte, au marché, le jeudi, à la messe, le dimanche, ou bien chez moi, rapportant chaque samedi son panier de linge, ou encore penché sur sa table à repasser dans la demi-teinte de la pièce où elle travaillait. La revoir, enfin, dans les mille circonstances inévitables qui font sans cesse se croiser, se frôler, se parler, se haïr, deux êtres habitant la même bourgade. Non, c'était impossible. Car je voulais éteindre en moi, jamais, le souvenir de cette étrange liaison et la présence continuelle, le côte à côte forcé, l'intimité villageoise, entretiennent et attisent tout ce qui subsiste de feu vivant dans les cendres du souvenir. Ce n'était pas assez que Marie disparût de ma vie. Il était nécessaire, expiatoire, qu'elle disparût de la vie. Mais comment faire? Le trou était là, tout noir, à jamais discret. Il était là, quelques pas de nous. Les secrets qu'on lui confie ne les trahit pas. Les corps qu'on lui jette, ils n'en remontent pas. Et les bergeronnettes qui sautillent de flaque en flaque, et les corbeaux qui vont, gagnant la forêt, ne racontent pas aux hommes les drames sanglants dont ils furent témoins. Et les paysans non plus. Les paysans que j'avais rencontrés sur la route, ils ne disent jamais rien. Par une admirable et obscure solidarité de criminels et de meurtriers. Si on les interrogeait jamais, leurs bouches resteraient closes, et leurs yeux morts. Marie attendait toujours, les yeux perdus, je ne sais où. « Viens, lui dis-je, viens entendre la voix du petit bossu. » Droite et fixe, comme enveloppée d'extase, elle écarta les serments emmêlés, des ronces et des clématites, et elle s'approcha sur le bord du trou. « Penche-toi un peu sur le trou. » Elle inclina son buste, puis, lentement, avec des inflexions raides, elle s'agenouilla à bord du trou. Les graines plumeuses des clématites s'accrochaient à sa chevelure. « Penche-toi encore. » D'une main, elle se retint un gros arbon de ronce. Un peu de sang rougit sa main. Encore. Sa chevelure pendait dans le vide, comme des algues dans l'eau. Elle avait la moitié du corps engagé dans le vide de l'abîme. Entends-tu? Non, dit-elle. Écoute. M'étant-je penché moi-même d'une voix lente, d'une voix chantante, je dis. Connais-tu le pays? Et le bel abîme répondit en écho. Connais-tu le pays? Entends-tu? Oui, dit Marie. Et reconnais-tu sa voix? Je la reconnais, fit-elle. Sa tête avait presque disparu dans l'abîme. Veux-tu le rejoindre, Marie? Je veux bien. Adieu, Marie. Ah! J'avais d'un mouvement vif coupé le sarment où s'accrochait la main de Marie. Marie disparut, s'effaça. J'étais seul, tout seul. Aucun bruit. Je restai quelques instants penché sur le trou. Il me sembla que j'entendais quelque chose, comme un glissement giratoire très doux, très léger, très vague. C'était comme une plume, une toute petite plume qui eût tourné dans le vent, dans un vent dont on n'eût pas perçu le souffle. Puis je me levai, et je regagnai le village, d'un cœur soulagé. Âme de guerre. La semaine dernière, le hasard m'a fait voyager toute une journée avec le comte de C, ancien colonel de dragons. Un homme tout à fait charmant, un libéral naturellement, et ce qui, dans son milieu, est moins rare qu'on pourrait le croire, un penseur. J'aime les penseurs, quoi qu'ils en pensent. Des relations s'établirent tout de suite, très cordiales, très confiantes entre nous. J'attribue ce fait heureux au caractère accueillant du colonel, et surtout à ceci que, au moment où il monta dans le wagon, il vit que je tenais à la main un numéro de la libre parole et que j'avais en réserve près de moi, sur le coussin, l'intransigeant et la patrie. Il comprit sans doute qu'il avait affaire lui aussi à un libéral du bon cru. Il me sourit, entre libéraux, les choses s'arrangent toujours le plus galamment du monde. Nous parlâmes de la guerre russo-japonaise. Bien qu'il fût russomane à l'excès et qu'il souhaitât passionnément le succès de nos bons alliés, il n'approuvait point cette guerre absolument. Il ne l'approuvait pas parce qu'il ne la comprenait pas. au moins quant à ses origines. La Mandchourie ! La Mandchourie ! Criait-il. Qu'est-ce que c'est que ça ? Criait-il. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quand ils entendent de juifs, de socialistes et de polonais. Vous allez peut-être me prendre pour un révolutionnaire, mais vraiment, ces guerres entre nations étrangères me dégoûtent un peu. La plupart du temps, les causes en sont si compliquées et même si inconnues qu'on ne sait jamais pourquoi on se bat. Et le plaisir de se battre en est sérieusement diminué. Certes, autrefois, je n'en demandais pas tant. Pourvu qu'on se battît contre n'importe qui, pour n'importe quoi, ça me suffisait. J'étais content. À ce trait, vous reconnaissez bien, n'est-ce pas, la belle générosité, la belle ardeur, la belle imprévoyance de la jeunesse. Ah, la jeunesse! Il se sourit à lui-même, et sourit à son casque, à la crinière flottante de son casque, à son sabre rouge de sang, puis il reprit. Depuis, j'ai vieilli comme tout le monde, j'ai beaucoup observé, beaucoup réfléchi. Mes idées se sont dirigées dans un sens plus rigoureusement scientifique. Aujourd'hui, ce que j'exige avant tout d'une guerre, c'est qu'elle soit claire. En un mot, je veux savoir pourquoi je me bats. Oh, on ne le sait jamais, c'est infiniment regrettable. Cela enlève tout intérêt à des conflits qui, mieux connus, seraient probablement très intéressants. Ah, colonel, m'écriai-je, vous êtes bien moderne. Oui, je suis bien moderne, répondit donc sans fierté le brave soldat. Je suis dévoré par la maladie du siècle, j'ai besoin de savoir. Gonce, qui a de la culture, disait de moi, un Ibsénien. Et il continua. C'est pourquoi, voyez-vous, je ne comprends la guerre qu'entre gens d'un même pays. On se connaît, que diable, on se bat et on tue pour la défense d'une prérogative, d'une habitude, la conquête d'un droit nouveau, le maintien d'un intérêt de classe. Cela est clair, cela est juste. Ainsi, j'admets, et non seulement j'admets, mais je revendique, comme le plus sacré des devoirs, comme une nécessité vitale, le droit formel qu'a la société de déclarer la guerre, une guerre sans merci, à ceux qui cherchent à en troubler l'ordre établi, les grévistes par exemple. À cet égard, je partage complètement l'avis de Galifet, un moderne celui-là, qui voudrait que l'armée se bornât à n'être plus qu'une gendarmerie. C'est évident, voilà le progrès. Et c'est un de mes forts griefs contre le gouvernement actuel, ce gouvernement ignoble, ce gouvernement de pourceaux, d'assassins, de violateurs de tombes, de francs-maçons, pour te dire. Et je ne parle pas ici de son abominable et sacrilège campagne contre notre Sainte Église, qui justifiera à elle seule tous les massacres, toutes les tueries, toutes les torpilles des Japonais, toutes les fougasses des Russes. Non, je parle seulement de son acharnement, raréfier ses rencontres entre soldats et ouvriers révoltés, et de sa criminelle manie d'arbitrer, autrement que par des coups de sabre et de fusil, les conflits qui ne cessent de se produire entre le capital et le travail. Qu'est-ce que la France aujourd'hui ? Une immense grève, une immense émeute, et pas le moindre feu de peloton, pas la moindre saignée. Rien, c'est dégoûtant. Il a fallu qu'à Cluse, ce fussent de braves jeunes gens, presque des enfants, qui donnassent l'exemple du courage et fassent en petit ce qu'il appartenait à ce sale gouvernement, d'escarpe et de fer en grand. On dit que le travail est une chose, c'est entendu, une sale chose même, mais le capital en est une autre, et une grande, sacre bleu. Si de temps en temps vous ne lui apportez pas sa bonne provision de cadavres, si vous ne le rassurez pas, il finira par se décourager. Et quand il n'y aura plus de capital, bonsoir le travail. Les prolétaires seront bien avancés. Mais, colonel, il serait encore bien moins si vous les tuiez tous. Tous, s'écria le colonel, en ses glorieuses épaules. Il en restera toujours assez. Il en restera toujours trop. Il s'emporta. C'est comme les juifs, les Dreyfusards. Dire qu'il y a une armée, une grande armée, qui ne fiche rien du matin au soir, et qu'on n'y a pas donné tous ces gens-là à éventrer à coups de baïonnette. Et vous appelez ça un gouvernement ? C'est insensé. Le colonel devenait apoplexique. J'essayais de le calmer par des raisons appropriées à sa mentalité. « Vous avez raison, me dit-il, je m'emporte, revenons à la question. » Et d'une voix bredouillante de colère, il reprit. « La guerre de 1870 ne m'a pas laissé de m'en souvenir. Toujours cette sacrée ignorance. » Et puis, la défaite fut trop rapide. On n'eut pas le temps de s'amuser. Par exemple, la commune, je puis dire que je connus là les meilleurs jours de ma vie de soldat. Ah, j'en ai des histoires et des histoires. C'est à se tordre. Et en effet, durant quelques minutes, il se tordit. Tenez, je me rappelle. Ah, voilà une chose impayable. Avez-vous connu la baleine ? Non, vous êtes trop jeune. La baleine était une cocotte qui fut célèbre au dernier jour de l'Empire. Pourquoi l'appelait-on la baleine ? Ma foi, je n'ai jamais su. Elle n'était pas très, très jolie, mais elle avait une drôlerie, une fantaisie, un esprit endiablé. Durant le siège et durant la commune, elle était restée à Paris, bravement. Et puis, sans doute, elle avait ses raisons. Or, le jour où mon régiment pénétra dans Paris, j'étais alors capitaine. La première personne que j'ai rencontrée, ce fut la baleine. La baleine exaltée, joyeuse, qui dans une Victoria jetait patriotiquement des bouquets aux officiers. Elle me dit « Eh bien, mon petit, c'est le bon Dieu qui t'envoie. Puisque tu es là, tu vas me rendre un grand service, pas ? Et nous ferons une fameuse fête. Ça, je t'en réponds. » Tout ce qu'elle voulut, je lui promis. Il s'agissait de la débarrasser de ses créanciers. Rien n'était plus facile dans l'affreux et amusant désordre où se trouvait alors Paris. Elle me donna une liste de ces braves gens et leur adresse. La plupart suivaient la peur, réfugiés au fond de leur cave, des bijoutiers, des couturiers, des usuriers. En réalité, peu de choses. Avec ma compagnie, je leur donnais la chasse. On les empoignait, on les collait au mur, j'en expédiais 6 de cette façon. Le colonel me frappa amicalement à l'épaule, et la face toute réjouie, il ajouta « Et ma foi, je trouvais l'idée de la baleine si ingénieuse que j'en fis autant des miens, Et conclut « Ça, c'était une guerre. À la bonne heure. »